bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour la Red Arc du Sport. On est sur Arc-en-Ciel, il est un peu plus de 21h30. On est ensemble pendant 2 heures avec ce soir, on vous l'annonce depuis plusieurs semaines. Toute l'équipe, alors je vais dire toute l'équipe de la Wooz Run. Pour l'instant, toute l'équipe au nombre de 1. Et bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va parfaitement, donc on attend encore. Alors, vous serez que 2 ce soir. Ouais. Voilà, bon, exceptionnellement. Effectif un petit peu restreint. Bon, on aura le plaisir de vous retrouver après la course avec tout le monde, avec toute l'équipe. En tout cas, bah, ce soir, on va bien sûr parler de cette nouvelle course qui arrive. Ça approche à grands pas maintenant, dans un peu moins d'un mois. Un peu plus d'un mois. Clôture des inscriptions, un petit peu moins d'un mois, mais la course, un petit peu plus d'un mois elle-même. Donc, on est entre les deux, un mois en gros. Très bien. Donc, bah, on reviendra sur les nouveautés, parce que j'imagine qu'il va y avoir des nouveautés dans cette nouvelle édition. Voilà. Ça va permettre d'en parler. Et puis aussi de voir un petit peu où on est au niveau des inscriptions. Est-ce qu'on est plein? Est-ce qu'il y a encore de la place? Voilà, on saura tout ça tout à l'heure. Et puis, si vous avez le temps, vous resterez avec nous pour la seconde partie. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, avec tout le débrief de la semaine et du week-end, il y a plein de choses encore à dire ce soir. Il y a du foot, bien sûr. On va revenir sur la Ligue des Champions. Ouais. Et ouais, parce qu'il y a eu plein de choses. J'allais dire Marseille, non. Non. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Lyon qui jouera demain, on va en parler. On va évoquer ce match. On parlera du match de Paris, qui a fait un beau match, un gros match. Ouais. Contre United. Et puis on parlera aussi bien sûr de la Ligue 1 avec les matchs du week-end. Et puis de l'USO. Tout ça, donc pour le foot, du tennis aussi. On parlera de la victoire de Gaël Monfils, qui a gagné hier le premier tournoi de sa saison. C'était à Montpellier, en battant Wawrinka en finale. On parlera, je crois que on a quelqu'un qui doit arriver, il me semble. On va l'accueillir. Donc du tennis, c'est bon, ça devrait être ouvert en principe. Normalement, tout est bon. Donc du tennis, toujours avec les tournois qui arrivent cette semaine. C'est l'Open de Marseille qui va avoir lieu. Donc on va bien sûr en parler. Et puis les tournois à venir. Du basket aussi, évidemment, avec les tournois avec les matchs qui vont reprendre, puisque c'était un week-end de Leaders Cup qui se déroulait tout le week-end. Donc on va en reparler de cette Leaders Cup. Je crois que d'année en année, on a de plus en plus de cheveux. On a de plus en plus de cheveux et de barbe. Non, surtout de cheveux. Beaucoup de cheveux. Comment tu vas? Très bien. Je pensais pas que vous alliez être à l'heure. Bah si, on est là. On est là. Écoute, installez-vous confortablement. En étant en train de parler du programme donc de la soirée, donc du basket aussi bien sûr, on en parlera. Du handball avec aussi t'as tout ce qui concerne Saran, qui vit une deuxième partie de saison un peu plus compliquée. On va en parler. Fleury qui de son côté c'est un peu l'inverse, parce qu'il tourne très bien, mais on va en parler aussi parce que ça risque d'être compliqué dans les vous êtes au courant j'imagine, dans les semaines, mois à venir. Et puis la fin des championnats du monde de ski, où le bilan français est quand même pas mal. Alors c'est surtout côté français et pas française, malheureusement, où on a quand même récolté 3-4 médailles. Ouais, ça doit être ça. Pas trop suivi. Il y en a au moins 2 de peinture, c'est sûr. C'est ça. Et je crois qu'il doit y en avoir 2 autres. Il est passé à côté d'une 3e. Et... Ouais. Et puis, bien sûr, Marcel Hirscher, toujours au top. Ouais. Voilà donc pour. Et puis du biathlon aussi tout le week-end dernier. C'était aussi tout le week-end. Voilà, donc ça, c'est le programme de la soirée. Des directs ce soir qu'on va suivre. Eh bien, il y en a pas mal. Hein. On a un match en Ligue 2 entre Metz, les leaders, et Béziers, qui est 18e. C'est le grand écart. 0-0 après quasiment la mi-temps, il reste on est dans le temps additionnel. Un match de cup de la Coupe d'Angleterre. C'est le 5e tour entre Chelsea et United. Bah, United qui tourne bien pour l'instant, 2-0. Ça vient de reprendre depuis 2 minutes. Et Pogba qui a marqué avant la pause. Et puis en Espagne aussi, un match entre Bilbao qui se déplace à Huesca. La lanterne rouge 1-0 pour Bilbao. Et 2 matchs encore, il y a beaucoup de matchs ce soir. En Allemagne, c'est rare. Nuremberg contre le leader Dortmund, 0-0. Et là aussi, on a repris depuis 2 minutes. Et enfin en Italie, la Roma face à Bologne, 0-0 après 53 minutes de jeu. Voilà tous les directs qu'on va suivre ce soir. On est ensemble pendant un moment, je crois. Hein, oh, on est habitué. On... Bah oui. Il y a pas de souci. Et puis on va écouter pas mal de choses ce soir. C'est vous qui allez faire la playlist ce soir, comme d'habitude. D'accord. Et on va commencer tout de suite avec un premier son, un premier choix, comme vous voulez, les gars. Ah non, vas-y Thomas, je t'en prie. Et ben actuel. On a le choix. Allez. Là, tout horizon. Un petit Flume on top. Alors tu peux me. Flume. FLUME. Est-ce que je l'ai? Non. Ah, ta flume, voilà, et après on top. Voilà. Tac, c'est parti. Yes. On part là-dessus. Et ben, on revient dans 3 minutes 53 précise. Et juste après, on démarrera avec, bien sûr, la course qui arrive. À tout de suite. I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. If you know me, you don't know me to stop. I need the top. All my people there in the back of the spot. Let them be shot. Yeah. Drinks on chill, got drinks on chill. Lights get dim and I think I will. I work so hard that I think I will. Yeah, the long week, bitch, how you think I feel? History favors the bold dog. Roll something, make sure my story gets told. Make sure our story gets told. The night's forever young, it's us that get old. All my people there back in the spot, let them shout. Yeah. I want the top. All my people right there in the back of the spot, I need the top. If you know me, you don't know me to stop, I need the top. All my people there back in the spot, let them shout. Yeah. Retour après ce premier son, on écoutera. Qu'est-ce qu'on écoutera tout à l'heure, tiens? C'est moi qui vais choisir, du coup. Ouais, je te laisse réfléchir un peu. Ouais. Allez, je te laisse réfléchir. J'ai pas l'idée, mais ça va venir. Alors déjà, comment se passe cette préparation de course à un mois de déchéance, du coup? Eh bien, écoute, ça se passe plutôt très très bien. Là, on est un petit peu dans la phase un petit peu finale. Là, aujourd'hui, on était sur le parcours. On a repéré un petit peu pour voir quels étaient les derniers obstacles à mettre en place. Donc, voilà. On va pas mal se voir cette semaine parce qu'on a la chance d'être en vacances. Oui. Voilà. Et oui, c'est vrai. Et oui. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, on va bien avancer cette semaine. Et puis, voilà, ça se précise et ça va très très bien se passer. Alors, est-ce que le parcours a changé au niveau du... Alors, le lieu, c'est toujours à peu près au même Château de l'Étang, toujours au même endroit. Voilà. À Saran, derrière la mairie, d'accord, ceux qui connaissent. Et le parcours, comme tous les ans, on essaie de le faire un peu varié pour que les gens qui reviennent ou qui sont déjà venus les dernières fois puissent apprécier différents coins de la forêt. Donc, on a encore retrouvé quelques petites zones qu'on n'avait pas utilisées. Oh, mais il est complètement inédit. Oui, il est modifié. Alors, il y a un petit passage qu'on avait fait l'an dernier, mais c'est pas dans le même sens. Oui. Voilà, on a modifié le départ. On part pas sur la même boucle dans le même sens. Il y a des zones tout à fait nouvelles. Voilà. Il y a plein de petites nouveautés, au moins sur le parcours. Par contre, il fait toujours la même distance. D'accord, ça n'avait pas changé la distance. 7 bornes, toujours. C'est bien déjà. Ouais, avec l'obstacle, ouais, c'est déjà pas mal. Donc, ouais, finalement, oui, si on a fait ça les années précédentes, c'est pas réverbatif. Ah non, pas du tout, parce que, comme Aymeric le disait, le parcours est tout nouveau. Il y aura aussi quelques obstacles, qui vont changer. Donc, à partir de là, non, il n'y a vraiment aucun souci, ça sera inédit et il y aura toujours plein de choses pour faire en sorte de bien s'amuser. Donc voilà, pas de problème là-dessus. En termes d'obstacles, vous avez innové, vous avez rajouté des choses, enlevé peut-être certains qui n'ont pas fonctionné? Alors, on a toujours le même nombre d'obstacles. Déjà, ça, c'est le même principe. On a toujours des obstacles naturels, oui, qu'on essaie de mieux utiliser. Parce qu'on s'est rendu compte, et on nous l'a fait remarquer aussi, que nos obstacles étaient beaucoup basés sur des passages dans l'eau. Donc du coup, maintenant, au lieu de faire des passages uniques dans l'eau, on se sert de l'eau comme obstacle à franchir par le biais d'autres choses, d'autres matériels, d'autres ustensiles. Et puis, on essaie de se perfectionner aussi. Je pense qu'on, tous les ans, on essaie de progresser. Oui. Donc, on est de plus en plus basé comme course obstacle. Il y a 2-3 obstacles qui vont être un peu plus... Un peu plus durs, ouais. Un peu plus folklore aussi. Même si on aimerait faire plus. Ouais, j'imagine. On nous a beaucoup dit l'an dernier qu'il y avait il y avait quelques obstacles qui manquaient un petit peu de bras, de solliciter les bras. Donc cette année, on a essayé de faire plus de choses à base de bras pour que ce soit un petit peu plus difficile de ce point de vue-là. Il y a aussi un obstacle qu'on avait l'an dernier où les participants sur une course devaient scier des rondins. Et c'est vrai que c'était pas facile, c'était un petit peu... C'était long. Ouais, c'était long. Il y en a certains qui avaient plus de facilité que d'autres, donc c'était un petit peu injuste pour certains. Donc voilà, celui-là, il y est plus. Et bon, le fait d'avoir un petit rondin de bois à la fin était sympa. On peut le dire. On aura toujours ce petit rondin de bois à la fin en souvenir avec la possibilité de floquer de peindre le logo dessus. Et voilà, ça sera fait d'une manière différente. Et puis tout le monde l'aura, puisque il a manqué l'an dernier, c'était principalement pour la course duo. Donc la course solo et les courses en groupe, certains ont fini par aller chercher des morceaux de bois pour se les floquer, mais ils n'avaient pas le rondin. Et quand on s'est rendu compte que tout le monde allait se le faire floquer, tout le monde nous a dit c'est une bonne idée, donc du coup on le fait pour tout le monde. Et ça fera un vrai souvenir. Et comment vous êtes je sais pas comment formuler ma question, qui vous fournit les rondins? Pour les rondins, c'est un partenaire à nous. On n'est pas là pour faire de la pub, hein, voilà. Non, mais vous pouvez en souhaiter quelques-uns, mais c'est une scierie sur Marigny, LB Charru, qui est un de nos partenaires, et voilà. Donc on l'a sollicité, il était déjà présent avec nous l'an dernier, donc cette année ils vont nous faire la découpe de rondins, donc voilà. Très bien. Est-ce que vous avez été limité sur des obstacles? On avait envie de faire ça, mais on nous a dit que c'était pas possible. Alors on se fixe pas vraiment de limite, donc il manque Maxence, qui normalement est notre limite. Je pense qu'il écoute. On commence à avoir un peu de monde, donc évidemment on prend un peu d'ampleur, donc on a un peu plus de... Ouais, je pense qu'on peut faire un peu beaucoup de monde quand même. Oui, pour 1000 participants. Mais pour des politiques ou des gens, ça peut faire pas un truc énorme, mais ça commence à être un gros truc en termes d'organisation. Et en fait, on est toujours en train de se dire qu'on peut pas tout demander. Et donc il y a certaines choses qu'on aimerait faire. il y a des choses qu'on envisage de faire qui sont encore en suspens, ouais, et on se bloque pas vraiment, en fait, je pense que... Non, disons qu'on est un peu perfectionniste et on veut que tout fonctionne bien et que ça roule bien. Ouais. Donc on fait progressivement d'année en année. Vous n'allez pas faire un truc énorme alors, en sachant que ce ne sera pas réalisable. Voilà, et puis on aime bien faire différents niveaux sur les obstacles aussi. Je pense que ça, c'est une de nos particularités. Ouais. C'est que sur chaque obstacle, différents niveaux. Ouais. Tout le monde peut le passer, quoi. Voilà, et sachant qu'après, pour notre course individuelle, la poursuite solo, il y a une vague qui est élite. Donc là, c'est pour les gens qui recherchent vraiment les chronos. Et donc, ces gens-là seront contraints de passer sur les niveaux les plus difficiles. Donc, comme ça, voilà, ceux qui cherchent vraiment la performance. Et ils partent avant, du coup. Ils partent tout petit dans la deuxième course. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais on se contraint pas, non. Après, on a plein d'idées. Hein. Enfin, on est contraint. C'est pas nous qui nous contraignons, c'est plutôt ce qu'il y a autour qui nous contraint. C'est-à-dire, l'aspect mairie et puis l'aspect aussi financier matériel, parce que à terme on sait qu'on sera obligé de louer des grosses structures si on veut que ça perdure et que ça prenne de l'ampleur. On sera obligé. Pour l'instant on arrive à faire 100 et à faire quelque chose de sécuritaire, mais pour accueillir plus de monde il faut forcément c'est la priorité de toute façon, c'est vraiment faire quelque chose de sécuritaire et surtout de fluide qui plaît et voilà qui roule fluide. Faut que ça tourne bien, voilà. Au niveau budget, vous avez un peu plus qu'en dernier ou pareil ou... On se donner le chiffre. On peut le donner, c'est pas un problème. On a fait beaucoup d'efforts cette année sur les partenariats. On s'est peut-être pris un petit peu tard, mais on a fait énormément d'efforts. Et en fait, on se rend compte que si on n'a pas de réseau, ça fonctionne pas. C'est compliqué. Ouais. Voilà, c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'on a fait des dépliants. On a vraiment changé complètement notre mode de communication, et de recrutement des entreprises. Et en fait, comme on n'a pas les bras assez longs et qu'on n'a pas de réseau, on a du mal à faire venir les gros partenaires. C'est-à-dire ceux qui nous permettraient de, par exemple, payer l'entièreté des maillots. Ouais. Parce que ce qui nous coûte cher à nous, c'est les maillots et la chronométrie. Tout le reste. En soi, acheter c'est du couvert, matériel, c'est pas très cher. Ouais, on a été faire une liste de courses cet après-midi. C'est pas quelque chose qui nous revient à très très cher. Donc il y a deux partenaires principaux qui donnent de l'argent, qui sont là depuis le début et qui donnent la même somme depuis le début. Donc ça, c'est génial. Et tu peux les citer. Alors c'est le Cartracer à Saran. Ouais. Et ERCC, qui est une entreprise de climatisation à Ingré. Voilà, c'est les deux entreprises qui donnent depuis le début et qui donnent la même somme et qui nous ont toujours suivi. Et après, ce qui nous fait le financement, c'est les inscriptions. Alors que nous, on aimerait plutôt que ce soit les entreprises qui fournissent et que les gens. Vous avez autant de sponsors que l'an passé, moins, plus, en termes de chiffres. Non, on va en avoir. Bon, c'est pas encore définitif, mais on va en avoir quasiment autant, si ce n'est plus, ouais. D'accord. Après, on sera peut-être plus abordé. Oui. À partir du moment où on aura passé les 1000 participants. Oui, voilà, c'est un chiffre qui fait un peu plus de poids. Ouais. Donc cette année. Donc on dira ça l'année prochaine. Et justement, puisqu'on parle de chiffres, est-ce qu'on peut faire un petit comparatif l'année passée et l'objectif cette année? Alors l'an passé, on était à 850 participants. Cette année, déjà là, à 3 semaines de la clôture, on est déjà à 850 participants. Déjà fait le chiffre de l'an dernier, d'accord. Voilà. Sachant que à chaque fois, c'est dans la dernière semaine qu'on prend un gros boom. Oui. Donc, on s'est fixé une limite à 1200 participants pour que ça reste fluide, comme on disait. Et je pense qu'on l'atteindra sans trop de problèmes. Peut-être même avant la clôture des inscriptions. Ouais. Ça sera bien. Ça sera la première fois qu'on remplira complètement. Ouais. Oui. Voilà. Le parcours, pour vous, à 1200, on peut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'après, sur des courses qui sont où les départs sont un petit peu les uns après les autres, comme sur la nouvelle course, la team run qu'on a lancée cette année, ça c'est possible puisque voilà, les gens s'élancent les uns après les autres. Mais sur une course comme le relais duo, tout le monde part en même temps. C'est compliqué. Les premiers obstacles en tout cas. Sur les premiers obstacles. Oui, ça fait une queue. Ouais. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est ça, c'est qu'il y ait de l'attente sur les obstacles. Ça doit rester une course, ça doit être fun. Puis si on attend, c'est pas très fun. Donc, les groupes, c'est pas dérangeant parce qu'ils attendent souvent. Ensemble. Ils attendent ensemble, ils se marrent sur les obstacles. Par contre, la vague élite et puis les duos, comme c'est un peu plus compétitif. Oui, ils veulent que ça tourne. Ils veulent que ça tourne. Et l'an dernier, on avait eu le reproche, on nous avait fait remarquer que le premier obstacle, et c'est vrai que le premier obstacle, c'était un fossé où il fallait rentrer dedans, ça bouchonnait. Et après, par contre, c'est très fluide. Ah, vous avez peut-être inversé les... Voilà, on a inversé. Et surtout, le premier obstacle sur la duo est le plus important parce que... Enfin, le premier kilomètre, en fait. Oui. Donc là, on essaie d'échelonner un peu plus les obstacles et de mettre des obstacles qui étaient un peu plus fluides. Donc on espère que ça sera plus fluide. Puis il y a moins de monde sur la duo, quand même. Donc, Est-ce qu'on peut, juste pour comparer avec, par exemple, une course qui... bon, celle d'Orléans, pour pas la citer. Combien ils font, par exemple, en participant à la louche comme ça? 3005 là, cette année? Non, oui, 3005, ouais, je d'accord. crois, ouais. Avec un budget... qui est beaucoup plus conséquent, bien sûr. Bah, qui va approcher les 10 fois le nôtre, peut-être. Ouais, ah ouais, d'accord. Ouais, donc on se dit, finalement... On le connaît pas, mais on estime à 10 fois le nôtre. Ouais. Logiquement, il devrait faire 10 fois plus que vous. Non, mais si on veut comparer... Ouais, si tu pars dans ce principe-là, ouais. Non, mais voilà, finalement, vous dites qu'à 1000, vous êtes... pas si loin, enfin. Ouais, puis nous, on n'a pas la prétention pour l'instant de vouloir. On essaie de monter progressivement, donc 1002. L'an prochain, on se dira peut-être 1500 ou 2000. Enfin, ça dépendra comment ça fonctionne, quoi. Faut que les gens aient envie de revenir, en fait. Ouais, bien sûr. Ce qui était le cas l'an dernier. Faut que ça pérennise les gens et qui. Voilà. Bah, déjà, cette base-là, elle reste et puis ça se rajoute, quoi. C'est ça. Comment on fait, par exemple, quelqu'un qui écoute là, même moi, qui va m'inscrire cette année. Bravo. Ça c'est la première. J'ai pas pu l'an dernier. Cette année, je vais m'inscrire. C'est toi qui va être le 1200ème. Ça se trouve. Dépêche-toi, parce que c'est vrai. Aujourd'hui, ça s'est pas mal inscrit. Vous oserez me refuser? Non, on prendra 1201. Et comment on fait? Bah tiens, je vais m'inscrire aujourd'hui ou demain. Comment? Quelles sont les possibilités? Eh bien, la première possibilité et la meilleure, je dirais, c'est d'aller sur le site internet, bouezrun.com, et de bien lire toutes les infos. La rubrique inscription. Donc voilà. Pour les courses poursuites solo et relais duo, on représentera les courses après, mais c'est pour, ce les, oui. pour les courses poursuites solo et relais duo, il y a toute la démarche qui est expliquée, donc il faut se rendre sur le site ProTiming, mais voilà, c'est expliqué. Pour l'autre course, la team run, donc la course en équipe, il faut nous envoyer un petit mail et en fait on va ouvrir un espace de groupe qui permet aux gens de s'inscrire tous ensemble, de voilà, remplir les infos tous ensemble et à la fin de payer. C'est, quand tu dis groupe, c'est limité? Non, c'est pas limité. Ah ouais, d'accord. Il y a un nombre limite de participants, c'est 3, parce que 2 c'est la course relais. C'est un duo, oui, bien sûr. Voilà, donc 3. Et le maximum n'est pas fixé, puisque d'ailleurs on a mis en place un challenge entreprise. Donc on récompensera l'équipe qui a formé la plus grosse team de boueux. L'an dernier on a eu 25, hein, dans le même groupe. Et cette année, je peux te dire que le CrossFit Châteauroux est c'était très déjà en forme. C'était déjà eux l'an dernier, je crois. Et là, ils sont très, très, très... 25, et ils arrivent tous en même temps Alors l'an dernier, c'était un peu particulier. Ils partaient toutes les 10 secondes, d'accord, un par un. Parce que là, ils vont partir. En même temps? Tous ensemble, en fait. Non. Enfin, oui, effectivement, normalement, sur la team run. Normalement, dans la team run, c'est ça. Mais ils ont fait le choix de s'inscrire sur la course relais duo. Donc là, pour le coup, ils vont partir en binôme. Ouais. Voilà. On va expliquer après les courses, peut-être. Ouais, on va les détailler. on parlait de... Oui, donc forcément, pour timing, ça permet pas de s'inscrire en groupe comme ça. C'est pour ça qu'il faut... vous envoyez par mail. C'est leur nouveau module, ça, d'inscription. En fait, on s'est rendu compte que l'an dernier qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui s'inscrivaient sur la poursuite solo pour le faire avec d'autres personnes. Ça a posé des problèmes parce qu'ils s'inscrivaient pas en même temps, donc les horaires étaient décalés. Ah oui. Voilà, au niveau logistique, c'était compliqué. Donc, ProTiming, notre prestataire chronométrie, a ouvert, pas pour nous, hein, mais ils l'ont fait récemment, là, un module qui permet aux équipes de s'inscrire. C'est assez pratique, mais ça demande un petit peu de logistique quand même. Et effectivement, les équipes maintenant peuvent s'inscrire ensemble avec ce petit module. Mais c'est un petit peu différent de leur site, ça passe par un autre module et c'est pour ça que la démarche est un peu différente. D'accord. Et qu'elle est mal comprise parfois. Ouais. Mais si on prend le temps de bien lire les infos sur le site, on a fait en sorte qu'il soit le plus clair et le plus lisible possible. C'est bien expliqué. Donc. C'est lui qui l'a fait, donc il va pas dire l'inverse. Non, en tout cas, oui, le boozerun.com. .com. Voilà, boozerun.fr. Tout attaché. De toute façon, si tu veux venir t'inscrire, c'est .com. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. très bien. Combien coûte une inscription aujourd'hui? Alors, si on s'inscrit à date, hein, parce que je sais que ça a été par palier. Ouais, toujours. Déjà l'an dernier. Oui, c'est vrai. Là, on est sur le tarif le plus cher, effectivement. Plus cher, si on peut dire ça, parce que je pense que ça reste un de nos points forts quand même. On est ultra compétitif par rapport aux autres courses à obstacles. On n'est pas cher. Donc, actuellement, si tu t'inscris tout seul, tu vas payer 22€. D'accord. Si tu t'inscris en groupe. Donc le premier tarif de groupe commence à partir de 6 personnes. C'est-à-dire que voilà, si tu arrives à rassembler 6 personnes, tu payes par personne 16 euros. Comme je t'ai dit, tu peux t'inscrire par équipe. Si tu es 3, ben, tu payes le tarif individuel normal. D'accord. 22 euros. Et si jamais tu es très motivé et que tu arrives à motiver des potes à toi, tu peux t'inscrire à plus de 10 personnes et là tu payes seulement 13 euros par personne. C'est des tarifs dégressifs. On a eu beaucoup de groupes de 6. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont réussi. Alors autant les autres années, on avait du mal à réunir 4 personnes, je sais pas si tu te souviens au tout début. Oui, c'est vrai. Pour le relais. Oui, et autant là, maintenant, les gens vont arriver à trouver 6 personnes pour avoir un tarif réduit. Et beaucoup de 10 personnes aussi. Beaucoup de 10 personnes. Les tarifs de groupe, ça a fonctionné. Et quels ont été les paliers justement? Parce qu'au tout départ, au lancement, c'était en termes de tarifs, on était comment? On était à 16 euros sur l'individuel, 13 euros sur le groupe et 10 euros le maxi groupe. Et ça a bien fonctionné, ça. Donc, ouais. Bon, on peut donner un ordre d'idée. Je pense que sur. Bon, après, comme on a dit, on reste une course à obstacles. Voilà, un petit peu familial, convivial. Alors, il y a des super obstacles, mais c'est peut-être moins impressionnant que certaines courses à obstacles, d'où le fait que ce soit un petit peu moins cher. Mmh. Mais je pense que. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont habituées aux courses à obstacles qui nous l'ont dit l'an dernier, c'est une course qui reste très compétitive au niveau des prix et vraiment au niveau rapport qualité-prix, on est. C'est un des meilleurs, je pense. Voilà. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe autour, ouais, c'est pas le même tarif. Après, ça dépend aussi du nombre de kilomètres. Hein. On est quand même largement dessus de certaines courses obstacles qui font le double de kilométrage. Ouais, mais t'as des courses obstacles où t'as le 7 km et tu peux comparer. Oui. Après, on est bien d'accord que en termes de structure, c'est moins énormissime que certaines courses obstacles. Ah bah oui, oui. Mais on se veut pas, on revendique pas ça d'ailleurs. Ça va le devenir. C'est pas pour autant plus facile. Faut espérer. Ça va le devenir. C'est pas pour autant plus facile. Non, et on a un cadre qui est bien meilleur, je pense, qu'un grand bout de champ où on met des obstacles. Ouais. Donc pour 22 euros, donc j'ai l'inscription, j'ai du coup le t-shirt. C'est ça. Et j'ai le rondin. Et t'as le rondin. C'est ça. C'est tout, hein, t'en vales pas, t'auras pas de bière. C'est vrai, merde. Non, mais d'accord, pour savoir un petit peu quel est le pack, d'accord. Et donc, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut sur place pour se restaurer. Il y a une buvette, comme toutes les autres années. Buvette, et on va. Bon, là, on est en pourparlers, mais il va y avoir quelques petites animations. Il y aura des commerçants locaux qui vont venir exposer, éventuellement peut-être d'autres courses qui feront un petit peu leur promotion. D'accord. On va avoir pour les plus jeunes ou les plus vieux également, des petits tours de calèche normalement qui vont être mis en place. Animation musique comme tous les ans avec notre DJ. Ah, c'est déjà. Il y a un échauffement non, qui est prévu. Échauffement collectif. Ouais. Avant toutes les courses, pendant les courses aussi, puisque bah il y a des départs qui sont étalés sur plusieurs heures, donc échauffement dans le temps. Voilà, donc ça fait quand même déjà un petit peu d'animation. On essaie de faire vivre le village, mais c'est pas facile. Ouais. Bon, on essaie. Et quand vous dites buvette, c'est. C'est une vraie buvette. Tu peux boire et manger? Oui, les d'accord, deux. D'accord, ok, très bien. Tu peux tout faire. Avec, tout faire. Normalement, des jolies petites tables et des jolies petites chaises. Normalement. Qui seront dans le thème de la Boze Run sur place. Bon, ça, on n'en dit pas plus, parce qu'on est sur le pourparler pour l'instant. D'accord, c'est pas encore fixé. Ouais. Alors, on va détailler juste après les différentes courses. Je sais plus ce que je voulais dire, comme tu veux poser une question, je sais plus ce que c'est. C'est pas grave, ça va me revenir. Donc on va parler des alors trois c'est ça ou quatre types de trois courses. Trois types de courses. On va dire chronologiquement comment elles vont. Elles vont dérouler. La première, ça va être la duo, donc c'est la même que celle qui a fait notre course depuis le début. Donc c'est un relais, c'est-à-dire que qu'il y a un premier concurrent, donc tout le monde part en même temps. Tous les premiers relayeurs partent au même moment. Ils font la première boucle qui fait 3,5 km. Ils tapent dans la main de leur collègue qui fait lui la même boucle, tout seul également. Et quand celui-ci a fini de faire sa boucle, ils partent tous les deux sur la dernière boucle qui est différente de la première, d'accord, avec d'autres obstacles. Et c'est là qu'il faut être stratégique aussi. Voilà, parce qu'il y en a un qui fait 7 km d'affilée. Oui, c'est ça, il y en a un qui va enchaîner, bien sûr. Et un qui peut prendre le temps de se reposer un petit peu, d'aller faire les animations sur le village. On proposera des échauffements, des échauffements ou en tout cas des animations fitness, histoire de rester échauffé quoi, sur le village. Souvent, celle-là est assez compétitive pour les premières équipes. Il y en a qui sont un peu plus tranquille, mais elle est un peu entre les deux qui vont suivre en fait. Ouais, ce qui est sympa, c'est que voilà, moi si je la fais avec Emric, on va faire chacun notre première boucle et on a chacun notre chrono sur la première boucle, donc on peut voir un petit peu qui a été le plus rapide, oui, sur la boucle, dire ah bah tiens, après on finit ensemble. Toi qui vas passer le premier. Ou... Donc voilà, et se dire bah, ouais, essayer de s'arracher un maximum pour voir qui fera le meilleur chrono. Et justement, tu disais on va le faire. Est-ce que vous l'avez fait vous par exemple? Non, tu nous poses cette question à chaque fois. Ouais, c'est ça, mais c'est bien. Est-ce que vous avez testé déjà? Mais non, il y a que Coraline dans le groupe qui a testé toutes les boues run, toutes d'ailleurs, toutes sans exception. Ouais. Et on est tous les ans, on se dit si on a le temps, on se l'est encore dit ce matin, on s'est dit le soir si jamais on a fini de tout installer, on le teste. Il faut qu'on le teste. Mais il y aura forcément 2-3 obstacles qu'on pourra pas poser le samedi soir. Ouais. Parce qu'il y a des prestataires qu'on fait venir d'ailleurs, mais ouais, ça serait super qu'on puisse faire ça. Et puis même à terme, organiser une petite course avec nos bénévoles, ça serait génial. Ouais. Ouais, et puis on a d'autres trucs, on aimerait bien faire d'autres trucs. Si on pouvait monter un peu plus vite. On va revenir sur les courses, mais puisque on en parle, les bénévoles, combien de bénévoles cette année? L'an dernier, on avait une cinquantaine de bénévoles. On avait un peu plus que. 60 même, ouais. 60 sur les deux jours, parce qu'on commence le samedi à installer. Ouais. Cette année, on va être à peu près aux alentours de 50-60 également. Un petit peu plus. Sauf qu'on on espère en tout cas. Ouais, mais on est un peu plus de 50 là. Après, ils nous ont pas tous répondu. Mais on sait qu'on a une bonne équipe et que souvent ils sont contents d'être là. La petite particularité cette année, c'est qu'on leur demande à certains et à ceux qui peuvent surtout de venir le vendredi soir. D'accord. Pour commencer à installer. Oui. Pour gagner du temps. Pour qu'il y ait moins à faire le samedi. Voilà. Et pour qu'il y ait moins à faire le samedi, qu'on soit un peu plus libéré. On espère, plus on a, mieux c'est. Ouais, si on monte à 75. Ça pas trop. Voilà, c'est le top. J'ai retrouvé ce que je voulais poser comme question. On parle souvent du temps. Alors on ne sait pas évidemment le temps qu'il fera le mois prochain. Mais juste pour rappeler au niveau du parcours, si jamais il y a malheureusement il fait beau et que vous allez être obligé de procéder autrement pour rendre le parcours un peu boueux justement. T'inquiète pas pour ça. Ouais, il y a de quoi faire. On a le matériel qu'il faut. Et ça sera boueux dans tous les cas. Après, ça nous demandera peut-être un petit peu plus de logistique, oui, effectivement, puisque l'an dernier, ça avait bien plu et c'était trempé. Et il faisait super beau. Mais cette année, même s'il fait très sec très longtemps et qu'il n'y a pas de boue, ne serait-ce qu'une semaine à l'avance, on fera en sorte que ce soit. Il y aura de quoi faire. Ouais, il n'y a pas de souci. On espère qu'il va pleuvoir et qu'il va faire beau le jour J. Oui, c'est l'idéal, ouais. C'est vrai que l'an dernier c'était super parce qu'il y avait un grand soleil, donc ça faisait. C'est agréable, ouais. Ça le parcours. Il faisait bon, on avait nos petites doudounes d'organisation là qu'on avait fait, qui étaient toutes belles, on avait trop chaud là-dedans. C'était super. Alors revenons sur les courses, donc on a parlé de la duo, donc c'est la première. Donc ça c'est au niveau chronologique, ça c'est à quelle heure celle-ci? 10h. Donc il n'y a qu'une vague, enfin c'est tout. Ouais, tout le monde part en même temps. D'accord. Enfin, les premières heures de chaque équipe. Donc après, ça globalement, ça prend une heure deux et demie. Heures et demie. Ouais, les dernières équipes l'an dernier avaient fini en 2h30. Pour que le relais, d'accord. Pour que le relais finisse. Normalement, c'est celle qui doit aller le plus vite. D'accord. Avec la solo, qui normalement est censée être un peu plus. Voilà. Donc ça, c'était la première course. La deuxième course, ça sera la poursuite solo à 12h45, donc là c'est vraiment les gens qui se sont inscrits individuellement, donc on réserve cette course un petit peu plus, on va dire, pour les compétiteurs. Donc on a dans cette course les compétiteurs de la vague élite, donc ceux qui veulent vraiment faire un chrono, qui seront obligés de faire tous les obstacles, oui, les niveaux les plus difficiles, et qui, si jamais ne réussissent pas les obstacles, auront un petit exercice de pénalité à faire juste après. D'accord. Et juste après cette vague élite, par la vague populaire, enfin la vague classique, avec tous les gens qui courent en solo. La particularité de cette course, c'est que les départs sont sur un type contre-la-montre, toutes les 10 secondes. Ouais, 10 secondes. D'accord. Et donc c'est assez sympa parce qu'en fait, le but c'est de doubler un maximum de personnes sans se faire doubler, quoi. Bien sûr, oui. Voilà. Et à la fin, comme sur les autres courses, il y a un petit classement individuel. Les deux premières courses, ça c'est les deux premières courses qui sont récompensées. D'accord. On fait l'effort de fournir des récompenses, parce que c'est un peu plus compétitif, et qu'il y a moins de monde à récompenser, et qu'on sait le nombre de gens qu'on va récompenser aussi. Donc comme d'habitude, on aura des petites récompenses pour les trois premiers hommes et les trois premières femmes sur la poursuite solo. Et sur les relais duo, les trois premières équipes hommes, trois premières équipes mixtes, trois premières équipes femmes. Enfin, ça fait quand même déjà pas mal de récompenses. Pas mal de choses. Et on a quelques petits cadeaux qui vont être vraiment, vraiment sympas. Ouais. Et donc la dernière course, c'est la course en équipe. Donc la poursuite solo, elle était à 12h45. Oui, d'accord. La poursuite solo, elle commencera à 13h30. La team run. Donc la course en équipe commencera à 13h30. Donc en fait, les premières équipes vont s'élancer juste après, enfin 10 minutes après les participants qui sont sur la poursuite solo. Donc normalement ça devrait pas se croiser puisqu'ils sont un petit peu moins compétitifs, c'est ce qu'on s'est dit, mais même si ça se croise, ça posera pas de soucis. Donc la particularité de cette course, c'est qu'elle est aussi chronométrée. Mais comme Aymeric le disait, il n'y a pas de récompense en tant que telle. La récompense qu'on a mis en place, c'est comme on veut que ce soit une course fun, c'est le meilleur déguisement en fait, le trophée du comme meilleur déguisement. Comme le faisait voilà, les années passées. Comme l'an dernier. Et cette année encore, on va avoir une belle récompense. Ouais, donc, ça vaut vraiment le coup de se déguiser. Bon, après, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est une course à obstacles, donc il ne faut pas que ça gêne de trop le déguisement. Oui. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit fun et que tout le monde prenne le maximum de plaisir ensemble. Et quelle est la course qui rapporte le plus en termes de nombre de participants? La team run, sans hésiter. Sans aucun doute, la team run. Et la team run, on n'a pas limité en nombre d'inscriptions. Oui. Alors que sur la relais du haut, déjà, parce qu'il y a un peu moins de monde qui s'inscrit, même si là, ça commence à monter un peu. Et que quand ça va être bloqué, les autres courses, il va peut-être falloir rebasculer sur la relais du haut. Même si nous, on peut rebasculer des places ailleurs. La relais du haut, elle est limitée à 150 équipes. Ouais. Donc ça fait 300 personnes. 300 personnes, d'accord. Voilà, on va pas les atteindre. J'espère, mais je pense qu'on sera obligé de rebasculer sur des gens sur la team run ou sur l'assaut. C'est mon avis. Après, c'est pas. Ouais. Est-ce qu'on peut faire, du coup, si on peut plus s'inscrire sur le duo, est-ce qu'on peut faire un team run à deux? Non, pas possible. Non. D'accord. Non, malheureusement. Non. Faut trouver un troisième. Ouais, d'accord, non, mais. Oh, ça se trouve. C'est parce qu'il te manque quelqu'un? Non, mais pour l'instant, je sais pas combien on est, mais je me pose la question, même si peut-être certains se posent. La poursuite solo est quasiment pleine déjà. Elle était pleine. Elle était pleine, on a redonné des places, je crois. Est-ce que du coup, je me dis, on est deux, est-ce qu'on peut faire la poursuite solo et partir l'un après l'autre? Oui. Du coup, on se rejoint. C'est pour ça qu'on a fait la team run cette année. Parce qu'en fait, les gens faisaient ce que tu viens de dire. Et du coup, ça. Oui, ça faisait des gros bouchons. Il n'y a pas spécialement de gros bouchons, mais c'est-à-dire qu'ils attendaient au bout de la ligne droite. Il n'y a pas d'intérêt. Que tous les copains arrivent parce qu'on les échelonnait toutes les 10 secondes. Alors que là, la team run, ils partent toutes les 30 secondes par vague d'amis, en fait. Plutôt que de partir par vague d'inconnus. Au moins, c'est. Oui. Ils partent avec leurs potes, ils peuvent être de 6 à 50, ils partent ensemble. Voilà. C'était notre objectif. Ouais, c'est vrai que ça. Parce que c'était pas le principe de la poursuite, c'est pas ça le principe, c'est pas le principe non. D'attendre le copain. Mais même si ça se fera toujours, mais. Oui, bien sûr. Après, on essaye quand même d'aiguiller au mieux les personnes sur la course qui correspond à leur envie. Mais ouais, effectivement, il va y avoir toujours quelques petites personnes qui vont rester sur la poursuite solo pour être avec les copains. Mais bon, après, c'est pas très grave. Ça filtre un peu, quoi, quand même. Ouais, d'avoir fait cette. C'est la deuxième année, du coup, que vous faites. Ouais, alors l'an dernier, c'était une façon comme ça, un peu déguisée, que les gens avaient trouvé pour faire une team run. Et cette année, on l'a rendue un peu plus officielle en leur proposant vraiment de partir avec leurs amis et de ne pas attendre. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Mais on voulait pas faire comme toutes les courses obstacles, faire des vagues de gens où t'es 50 dans la vague. Donc déjà, t'arrives avec une vague de 50, peut-être avec un groupe devant toi qui est de 50 et tu connais pas la moitié des personnes. Là, on s'en fichait du nombre de la vague et on se disait, vous êtes 6, vous partez avec vos potes à 6 et vous soyez 6 ou 25, vous vous éclaterez autant et partez avec votre pote plutôt que de partir avec un mec que je connais pas à côté de moi. Bien sûr, oui. Ça m'intéresse moins, quoi. Parce que si je commence à jouer dans la boue avec le mec à côté de moi et que ça lui plaît pas, c'est pas très cool. J'avais une autre question. Oui, est-ce que dans les années futures, vous avez des idées de nouvelles courses? Ouais, je pense qu'on te l'a déjà dit l'année dernière et ça reste toujours un super ouais. Projet. D'ailleurs, je sais pas vraiment si ça se fait. Moi, j'ai travaillé un peu dessus, mais c'est un peu particulier. On aimerait que cet événement ait lieu, pourquoi pas le samedi soir, et que ça se fasse en nocturne. Oui, bien sûr. Donc, avec toutes les particularités d'une course nocturne, donc éclairage à la frontale, point de visibilité. Donc après, à voir comment mettre en place ça pour avoir des choses qui permettent de passer dans des obstacles un petit peu humides, que ce soit de la boue, de l'eau, avec des frontales ou avec autre chose, donc à nous de le mettre en place. Et puis voilà, déboucher juste après la course sur quelque chose de sympa avec éventuellement un petit concert DJ, ah oui, des choses comme ça. Ouais, vraiment. Ouais, on adorerait faire ça. Ça serait vraiment le projet à terme et du coup, à court terme. Peut-être. Quand même faire une journée le dimanche, du coup. Alors, l'objectif, ce serait d'arriver soit à tout installer le vendredi, ce qui semble un peu compliqué parce qu'on travaille quand même si on est en vacances de prof. Sinon, dans l'idéal, arriver à être beaucoup plus efficace le samedi. Ouais. Ce qui est le cas, hein, tous les ans, on est de. Enfin, l'an dernier, à 18h, on avait tout fini. Sauf qu'on a eu des petits soucis de rubalisage. Parce qu'il y avait des jeunes du coin qui s'amusaient à faire brûler nos ballots de paille, etc. Donc on a voulu attendre très tard et on s'est retrouvé à finir très tard. Ouais. Parce qu'évidemment, dans la nuit, poser la rubalise, c'est moins confortable. Facile. Mais je pense que si on arrive à finir à 20h tout le rubalisage et qu'on a fini tout d'installer, l'an prochain, on pourra envisager à court terme donc de faire cette course en nocturne dont on parle depuis un petit moment et qui nous tente vraiment. Voilà, après ça engendre bien plus de sécurité, donc faut qu'on en discute. C'est quelque chose qui se fait déjà, ça, dans, peut-être pas ici en Orléans, mais. En course obstacle, je suis pas sûr. Je sais pas, je n'ai jamais vu. Donc il y a des zombie runs qui existent, ouais. Donc, en nocturne, ça, oui. Il y a la Love Race qui fait souvent en nocturne, c'est même à Tours l'an dernier quand on les avait aidés. Très éclairé, voilà. Ça reste éclairé. Là, quand tu es dans notre lieu, dans les bois du château de l'Étang, c'est quand même très boisé. C'est beaucoup de petites traces, des choses. C'est sombre. Très c'est sombre. Il n'y a pas d'éclairage de rue ou de choses comme ça. Donc, c'est vrai que si t'as pas le bon éclairage qui va bien, ça peut vite être compliqué et une galère. Donc, à nous de voir. Après, je sais pas si cette année on fait 1000 participants, peut-être qu'on aura plus de budget l'an prochain et peut-être qu'on pourra offrir à chacun de nos participants une fontaine. Enfin, voilà. C'est le nerf de la guerre. C'est bien sûr. Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre de l'éclairage? Je sais pas. Hein, si, il existe plein de choses pour éclairer. Avec des groupes électrogènes, on peut alimenter tout type d'éclairage, mais c'est encore une fois un coût. Bien sûr. Et puis, en termes de logistique, c'est long à installer. Il faut que chaque bénévole puisse aller sur son obstacle avec ce type d'éclairage. Et puis bah après, faut aussi pas se mentir, c'est que les bénévoles, si on les a toute la journée à monter les obstacles et que le soir on leur demande d'être là jusqu'à minuit et que le lendemain on leur dit de recommencer à 8h, bon, il faut pas non plus qu'on les tue, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, il y a un bénévole par obstacle, toujours. Ah, toujours. D'accord. C'est un bénévole au minimum. Et sur les obstacles un petit peu plus contraignants ou qui demandent un petit peu plus de sécurité, ouais, ça peut monter à 4 bénévoles. Ouais. Et c'est vraiment une force de chaîne, d'ailleurs, ça. Ça nous a été beaucoup, beaucoup rappelé qu'on avait de très, très bons bénévoles. Ouais, c'est vrai que souvent on nous dit des bénévoles qui sont très souriants, qui nous aident, enfin vraiment super sympas. Donc, voilà. C'est important, ça aussi. C'est on se rappelle. Ce qu'on souhaite, que ce soit une course fun et conviviale. Donc oui, effectivement, c'est important. Enfin, dans la tête des gens, quand ils en parlent après, c'est vrai que ça... Bah, c'est associatif, en fait. Donc déjà, par principe, on connaît tous les gens qui sont avec nous. Et souvent, c'est les gens qui sont dans notre entourage, donc... ça aide. Est-ce qu'il y a des participants qui marquent les éditions, tiens, celui-là, je me rappelle de lui dans le passé, qui vient chaque année et qui vont rappeler. On envoie, c'est arrivé qu'on envoie avec les maillots de l'année d'avant. Ouais. Ça fait toujours plaisir là, quand on a un petit maillot des éditions précédentes. Ouais, et on commence à en voir sur les bords de Loire aussi. Hein. Ouais. Et vous changez et même dans certaines courses ouais. Sur route ou des choses. Chaque année, vous changez de couleur simplement. Ouais. Ouais. Cette année, c'est. Il mince pas bon. Ah, c'est pas, allez, c'est pas peut, sorti. On peut. On c'est une excuse. Exclusivité arc-en-ciel. Vas-y, Aymeric. Je sais même plus parce qu'à la fin, ça a tellement changé. Ça a changé. On l'aura même pas ce soir. Je crois que c'est rose. Non, c'est jaune fluo. Jaune fluo avec le et pour les femmes, du coup, il y a jaune fluo avec le flocage noir pour tout le monde. D'accord. Ah, bah, comme voilà. Ça. Je sais plus parce qu'à un moment donné, il y avait une coupe femme, une coupe homme. Je sais pourquoi. C'est pour ces gilets jaunes. Exactement. C'était dans le thème. Bien joué, les gars. Bravo. Mince. C'est l'actualité. Ouais. Toujours. On marque une petite pause. On souffle un petit peu. Allez. Et il faut que je te donne la musique. Ouais, bah oui. T'as le temps de réfléchir. Polo and Pan. Oh yes. Polo. Non, Polo, P-O-L-O. J'ai hésité en plus. Plus loin, and Pan, tu l'as là en dessous. Voilà. Et donc, du coup, arc-en-ciel, très bien. T'as fait exprès. Un arc-en-ciel pour Clara. Ouais. C'est pas fait exprès, mais finalement, c'est pas si mal. Un petit rappel des directs avant de marquer une pause. Alors, Ligue 2, Metz a ouvert le score lors de jeu. Ça fait 1-0 face à Béziers. Il reste 20 minutes. En Angleterre, la Cup, c'est le cinquième tour. Alors, cinquième tour, c'est les huitièmes, il me semble. Et eux, les Anglais, je sais pas pourquoi, ils font 1, 2, 3. Ils vont, à un moment donné, ça va s'arrêter, mais. Et qu'ils fassent un peu des trucs bizarres. Ouais, ils aiment bien se démarquer. Ça fait 2-0 toujours pour United. Et c'est la fin hein, face à Chelsea. Mais United, il marche très bien en championnat et très bien en cup, mais moins bien en Ligue des Champions. Hein. Attends, c'est pas fini. Hein. Non, on en parlera tout à l'heure. 90e minute. En Espagne, Bilbao mène toujours 1-0. C'est Huesca l'heure de jeu. En Allemagne, pour l'instant, Dortmund est tenu en échec par Nuremberg. C'est la lanterne rouge, simplement, Nuremberg. Pour l'instant, 0-0, 87e. Et en Italie, la Roma mène 2-1 face à Bologne. Et on est dans le temps additionnel. Ça, et tu fais pas le championnat portugais alors que t'es sur une radio portugaise. Alors, simplement, parce qu'il y a une émission qui est dédiée spécifiquement au foot portugais. D'accord. Mais on peut en parler, effectivement. C'est, non, je demande. Je... C'est Benfica qui mène 2-0 sur la pelouse d'Aves. Et c'est la pause. Et je crois que Benfica, en cas de victoire, reviendrait à un point. C'est ça. Ils ont mis un petit 9-0 la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Et donc, ouais, Benfica, ça leur permettrait de revenir à un point de Porto du leader. En cas de victoire, c'est bien parti pour l'instant. Une pause donc, et on revient juste après pour la suite. Et puis après, on attaquera un petit peu plus tard le programme. C'est parti. Pour ce son, normalement dans 3 secondes. Et on se retrouve dans, je crois, 4 minutes, je sais plus exactement combien. À 3h49. Allez, à tout de suite. Rejoins-moi sur mon arc-en-ciel. Retour Pollen Pan instant avec ce titre arc-en-ciel. Et c'est la troisième partie de la Red Arc. Avec toujours Thomas et Emery qui sont avec nous. J'allais dire toute l'équipe presque de la Buzz Run. Ah, il manque un peu de monde, mais. Bon, juste, bah, en tout cas, ouais, des habitués. Oui. Maxence qui. On embrasse s'il nous écoute. Ouais, il doit être avec Marion et sa fille. Ah, sa fille, peut-être qu'elle est au lit quand même. Ah oui, 22h30, oui. J'espère. C'est les vacances. Sinon, au lit Clémence. Très bien. Je crois que vous vouliez évoquer un petit quelque chose. Ah, la transition est toute trouée, en bah, plus, oui. Avec Polo N Pan arc-en-ciel. Ouais, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, puisque ça nous paraît évident maintenant, mais c'est vrai que c'est toujours bien de le rappeler quand même. On est depuis l'année dernière, on soutient une association saranaise, un arc-en-ciel pour Clara, qui vient en aide bah, Clara, qui est une jeune saranaise en situation de handicap et qui a besoin de soins très lourds et voilà, notamment des cures en Espagne, parce que c'est des soins qui se font pas forcément en France et qui sont plus efficaces à l'étranger. Donc, bah, évidemment, c'est des choses qui ne sont pas remboursées et qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, nous, on voulait s'engager pour une association qui est, voilà, qui surtout locale en plus. On trouvait ça intéressant. Donc, pour tous nos participants, on reverse 1 € à un arc-en-ciel pour Clara. Donc, on espère pouvoir reverser cette année 1 200 € à un arc-en-ciel pour Clara. Et si jamais vous ne voulez pas faire la course, vous pouvez toujours venir et faire un don à un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel pour Clara directement sur la course sur ou même par un autre, de la maison. Par un autre biais, mais ce jour-là, ils seront là, ils viennent nous aider. Et ouais, en plus, c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils bah, ont le cœur sur la main et ils sont tous soudés. Et cette année encore, ils vont venir nous aider avec plus de monde. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je disais ça aussi, ouais. C'est que cette année, on va avoir, je pense, bien 5 à 10 bénévoles de plus de un arc-en-ciel pour Clara, donc ça c'est vraiment super. Ouais, c'est une course à obstacles qu'on a organisée au début pour ça. Au tout début, c'était pour redynamiser notre association, donc l'ASFAS Athlétisme qui est maintenant le SLAC. Et c'est vrai qu'on s'est dit que ça serait bien aussi, puisque de toute façon on ne peut pas tirer de profit de cette course. Bah de venir en aide à des gens qui en ont besoin aussi. Et ouais, on s'est tourné assez naturellement vers un arc-en-ciel pour Clara. Je crois que c'est Nicolas Bordier du Saran Handball qui nous a parlé, parce qu'il était pas en association. Et ouais, ça nous a semblé assez logique. Et voilà, ça fait maintenant la deuxième année qu'on soutient un arc-en-ciel pour Clara. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet unarc-en-ciel-pour-clara.org, je crois. Mais voilà, toutes les infos, on peut les retrouver sur internet. Sur votre site. Sur notre site aussi. Saison. Voilà. Justement, quelles sont les actus de votre association en ce moment? Du Slack? Eh bien, on a changé de nom. Déjà, c'est une belle actu. Déjà, c'est une belle actu. C'est vrai qu'on en parlait, je crois, l'an dernier. Ouais, personne ne comprend pourquoi, mais je vais expliquer. On était anciennement Fleury-les-Aubrais-Saran. Avec le regretté Jackie Mazuka, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était l'adjoint au sport de la ville de Saran, qui nous répétait depuis longtemps que la ville de Fleury ne donnait plus de subventions et que c'était toujours eux qui étaient cités en premier. Et donc on a fait le choix d'aller dans le sens de Saran, d'enlever Fleury les Aubrais, donc il a fallu trouver un nom. Et Slack semblait plutôt pas mal. Donc Saran Loire et Athletic voilà. Club. Voilà. Et bien écoute, c'était un peu dur pendant quelques années et on est bien reparti du bon pied. Il y a une bonne équipe de coach, plusieurs jeunes qui se qualifient au championnat de France là. Oui. Donc ça se redynamise. Après, ça reste de l'athlétisme, alors c'est pas très attirant, mais. Bah oui, non, mais c'est pas. C'est, voilà, c'est j'invite pas tous les footballeurs et toutes les basketteuses ou basketteurs à arrêter leur sport dans des niveaux départementaux pour venir faire de l'athlétisme au niveau national. Et goûter à des vraies valeurs. Pardon, j'ai pas dit ça. Et goûter à d'autres valeurs. À d'autres valeurs. Qu'est-ce qu'on a justement, alors, peut-être un peu plus haut au niveau national, international? En athlète? Là, c'est la saison en salle. Alors, il y a eu les championnats français de ce week-end. Oui, on va pouvoir en parler justement. Il y a eu quelques petites pertes, après, il n'y a rien eu de transcendant. Hein. Kevin Mayer était venu pour faire quelques épreuves. La Villeni est blessé. Ah, il est blessé encore. Ouais, il s'est blessé à Bercy, donc il fait l'impasse sur l'hiver, je crois. Ou s'il va aux Europes, ça sera vraiment. Enfin, il n'a pas fait les élites. Sur les haies, on est très présent. Hein. On a fait un triplé il y a 4 ans. Donc, toujours 3 garçons qui vont très vite. On va être très fort sur le demi-fond, je pense, cette année, en salle. Oui. Voilà. Et puis, il y a les championnats d'Europe qui commencent, pas cette semaine, mais la semaine d'après, il me semble, à Glasgow. Donc, championnat d'Europe en salle. Championnat d'Europe en salle, où on devrait ramasser pas mal de médailles. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. Bon, au championnat d'Europe, on n'est jamais très ridicule. Hein. Non, c'est vrai qu'on est quand même bien placé. Après, ouais. C'est vrai que c'est au niveau. Alors, au niveau mondial, on a du mal, hein. C'est difficile. Hein. C'est... L'athlé, c'est un sport universel. Donc, le moindre monsieur qui veut se mettre à courir, il en fait les chaussures et il court. Oui, 2 et 3 mars, c'est ça. Ouais, ouais, bon, voilà. 2 et 3 mars. Très bien. Bon, bah écoute, on verra. On verra un petit peu ce que ça va donner. Donc, pas de la vignette, du coup. Bah, faut en vérifier, mais normalement non. Alors je me demande s'il est pas champion d'Europe en titre. Si c'est le cas, il est qualifié directement. Donc il a peut-être pas besoin de faire les élites en salle. Ah oui, parce que sinon lui doit quand même passer par ils doivent tous ils doivent tous passer par les championnats de France obligatoirement. Et en plus maintenant c'est de on essaie de se la Fédé française essaie de se mettre sur le créneau de la natation. Oui. En mettant des minima très très très très compliqués à atteindre. Ils appellent ça des NPR maintenant, donc des niveaux de performance requise. D'accord. Voilà. Et à partir du moment où on a atteint ça, on est sûr d'y aller. Et après, ils regardent au bilan européen quelle position on se situe. Et en fonction de quelle position on se situe, ils invitent les athlètes ou pas. Voilà. Et donc, il est champion, je sais plus s'il est champion de. Je sais il pas fait un zéro. Perche, c'est Piotr Lisek là, tu vois. Non, il avait fait un zéro il y a 2 ans. Et ben voilà. Rappelez pas. Donc, soit. Il passe pas une barre il y a 2 ans. Ben, voilà. Ouais. Et ben, soit il a dû faire l'impasse. Il peut être invité, non? Il peut pas être invité? Comme c'est la Vélini. Ouais, c'est la Vélini, mais la Fédé a l'air d'être un peu. Ah ouais, c'est carré. Par contre, celui qui monte et qui va être sûrement très bon, c'est le Suédois Duplantis. Ah ouais, il est. Je pense qu'il va être très bon, lui, non? Ouais, il est déjà très bon. Oui, il est déjà champion de. Il est déjà champion du monde. Il a fait 6-0, 6-0, 5. C'est. À son âge. Ouais, c'est monstrueux. C'est énorme. Très bien. Bah écoute, on suivra ça. Ouais, je vous invite à regarder. Hein. C'est sympa. La salle, c'est marrant en plus, parce que c'est un peu différent du plein air. Oui, ça. Enfin. Tactiquement, il y a plein de choses qui changent. Par exemple, le 400, ça n'a rien à voir. Thomas, il en a déjà fait en salle. Du 400 en extérieur, du 400 en salle, c'est la bagarre, quoi. Ouais, ça se bouscule, ça se met des coups de coude, il y a du contact. Ouais, ouais. Faut regarder. C'est pas du judo, mais ouais. Non, mais ça se pousse, quoi. Il y a du contact beaucoup plus que. En plein air. Ouais, voilà. Mais ils sont dans leur couloir en plein air, donc c'est chiant. Bah oui, bien sûr. Et du coup, ça reprend après. mai, juin? La saison Pour le très haut niveau, il y a une grosse coupure au mois de mars. Oui. En gros. Après, au mois d'avril, ils repartent tous en stage pour se préparer. Oui. Ouais, pour se préparer. La petite particularité de cette année, c'est que les championnats de France élite vont être au mois de juillet. Donc, d'accord. Les athlètes vont devoir être forts au mois de juillet, comme d'habitude. Mais que les championnats du monde d'athlètes, comme ils ont lieu à Doha, ils ont lieu en octobre. Oui, comme la Coupe du Monde. Exactement. Qatar, et ça pose plein de particularités d'organisation, parce que par exemple, sur les épreuves de fond et de marche, ils vont sans doute faire partir les athlètes vers minuit. La nuit, oui, bien sûr. Donc, la question qui est en train de se poser, c'est de savoir si on joue avec le décalage horaire, on arrive très peu de temps avant la compétition pour pas avoir les effets de la chaleur et s'habituer à s'entraîner tard dans son pays pour jouer sur des pinces. Ça va être une galère. C'est particulier quand même, comme principe cette année. Déjà, ça va être l'hiver. Enfin. Ouais. Pour nous, ce sera l'automne, ouais. Et pour eux, c'est en train de basculer. Ce sera entre deux, ouais. Mais le stade va être climatisé. Oui, comme les stades de foot sont climatisés en 2022. Le stade va être climatisé, comme en 2022. C'est ce qu'ils avaient promis, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Pour le sprint, c'est pas gênant qu'il fasse chaud. Oui. Mais c'est plus les épreuves de fond. Le marathon, tout ça, ouais. Puis toutes celles qui vont. Enfin, le marathon et la marche, ça va être. Même à minuit, il doit faire chaud, quand même. À minuit, là-bas. Il doit faire humide en plus, je pense. Oui, mais c'est plutôt humide, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est un particulier cette année, la saison. Il va falloir avoir plusieurs pics de forme dans la même saison. En fait. Donc, là, c'est cette année les championnats du monde À Doha. C'est en fin de saison, quoi. Octobre, et puis après, on enchaîne sur les Jeux. Oui, 2020 à Tokyo. Ça va aller vite, hein. Ouais, ça s'enchaîne. C'est vrai qu'en athlète, il y a quand même beaucoup de choses très souvent. Ouais, ça va. Mais pas assez à mon goût, mais ça va. Ouais, par exemple, si on parle du foot, on en parle beaucoup, t'as l'Euro et la Coupe du Monde, c'est tous les 2 ans. Ouais, ça je suis d'accord, mais par exemple, on vous voit tous les week-ends, il y a des événements en athlète. Ce qui manque pour qu'on ait plus de financement, c'est sans doute plus de compétition de façon récurrente, comme le système de Coupe du Monde de ski, par exemple. Oui. Qui pourrait très bien être mis en place en athlée et qu'on n'arrive pas à faire parce qu'il y a des vieux dinosaures à la tête des fédérations internationales. Tu veux dire tous les week-ends des compétitions comme au biathlon, ski, avec deux représentants par pays, par discipline, et puis un circuit hivernal, un circuit été, avec une antichambre sur un système plutôt européen, et voilà. Est-ce que ça serait possible? La Diamond League, c'est pas tout à fait ça. La Diamond League, c'est ça, sauf que t'es pas obligé d'y participer à tout. Et toutes les épreuves ne sont pas représentées dans chaque Diamond League. C'est vrai qu'à chaque des étapes, t'as pas de perche, t'as pas de. Et je pense que ce qui nous manque à nous, c'est les sponsors pour vivre et pour être visible. Et que tant qu'on ne sera pas plus visible, l'athlète va mourir. Mais nommez le président de la fédération, mon Dieu. C'est quand même compliqué pour certaines disciplines d'avoir une fréquence, d'être présent quasiment toutes les semaines. Enfin, non, mais ça pourrait être tous les 15 jours. Hein, Mais c'est quand même compliqué quand tu sais très bien comment ça se passe, une préparation, et tu peux pas être toujours en forme à tout moment, ou alors ça changerait la logique de l'athlète. Après, c'est un autre débat, mais. C'est difficilement faisable pour certaines épreuves en tout cas. Ouais, c'est possible, mais je pense que ça serait une question de s'adapter, peut-être peut-être plus chercher des records, mais. Ça serait du coup une autre plus démarche. Du sport spectacle. Ouais. Et c'est ce qui nous manque. Ouais. En fait. Voilà. Difficile de se préparer pour une compétition. Ouais, mais sur des épreuves de sprint et etc., il y a les mecs qui courent tous les week-ends. Et... Ah oui. Après, on est bien d'accord que sur certaines épreuves, c'est plus facile. Ah oui. Mais je pense que tous les 15 jours, c'est envisageable. Oui, déjà, pour commencer, oui. Et ça rendrait les athlètes beaucoup plus professionnels. C'est vrai que la Diamond League, c'est pas tous les 15 jours, je crois. Ouais, ça s'étale des fois. Peut-être que des fois, il y a des. Ouais, et puis ils sont en train de changer un peu les systèmes de qualification sur les grands championnats. Ça va devenir illisible, en fait, d'athlètes. Mais bon, c'est déjà pas très lisible, non, toujours. Hein. Non, je sais bien. Alors, moi, je connais un petit peu, mais sans plus. T'as la Diamond League, t'as le World Challenge, t'as trop de choses. En plus, t'as l'indoor et t'as le plein air. Des fois, il y a des championnats d'Europe et du monde dans les deux, quand même. Dans les deux. Bah, en plein air et en salle. Oui, ouais, t'as les deux quand même. Et t'alternes. Ouais, dernier année sur l'autre. Ouais. D'accord. Après, sur les épreuves de fond, comme Thomas disait là, que c'était pas possible d'envisager de faire courir les gars plus souvent. Au biathlon, c'est les épreuves de fond et au ski de fond aussi, et tous les week-ends, ils y sont et ils charbonnent. Hein. Bah oui. Ouais. C'est une adaptation de l'entraînement, je pense. On en parlera du biathlon après, mais ouais, c'est vrai que c'est. Je pense qu'au lieu de chercher la performance tout le temps, il faut aller chercher à gagner. Régularité. Le biathlon, c'est encore peut-être pas plus dur que l'athlète, mais c'est très dur. Traumatisant cardiaquement, même le ski de fond. Hein, oui, rien que le ski, ça ressort la carrière. Je pense que ce serait possible de. Franchement, adapter notre milieu, nous, à des formats comme ça qui fonctionnent. Parce que le biathlon, personne n'en parlait il y a 10 ans, et maintenant tout le monde regarde sur l'équipe. Fin... Ouais, c'est vrai. Enfin, moi je passe pas un week-end sans regarder le biathlon. Bah, j'adore. Oui, mais. J'ai encore regardé hier soir. C'était tard. Ouais. Je pense pas que tout le monde le regarde, mais c'est vrai que ça se démocratise. Et il y a combien de licenciés? En France, je sais pas, mais très peu. Mais c'est vrai qu'ils font des cartons d'audience, l'équipe, plus en plus. Hein. Bah, c'est grâce à ça aussi, c'est que c'est médiatisé de plus en plus. Donc c'est ça qui fait que. C'est grâce aussi à. Parce qu'on a une très bonne équipe de France. Alors on a eu très longtemps Fourcade qui a été énorme, qui est un peu moins cette année, mais on a une très bonne équipe de France qui suit bien, mais c'est vrai que ça, il y a un porte-drapeau qui fait que voilà, il fait monter le sport. Ouais, non, mais d'accord. France. C'est toujours le même problème. Bon, mais bon. Si on vous a écouté, en tout cas, j'espère que vous avez écouté. J'espère qu'on vous a écouté et que ça aura donné des idées. Ouais. J'espère que les gens de la Fédé m'écoutent. Très bien. Est-ce que on peut reparler un peu du, parce que vous êtes là quand même pour ça. Pour votre course. Pas que, pour passer un bon moment. Non, mais bien sûr, mais bon, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur tout ce qu'on a dit déjà? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Eh ben, qu'il faut venir, parce que je pense que vu les retours qu'on a eu l'an dernier, c'est vraiment une super course. Ça mériterait d'être plus connu, donc c'est actuellement ce qu'on essaye de faire. Mais ouais, je pense que c'est un moyen de faire une belle action en aidant un arc-en-ciel pour Clara, passer un bon moment entre potes, tout seul, à plusieurs, faire du sport, donc ça c'est cool. Bah oui. Et puis bah, pour ceux qui sont pas encore inscrits, de se dépêcher un petit peu, parce que ouais, effectivement ça va bientôt partir là, les derniers dossards. Mais nous on prend plaisir à organiser cette course, et on prend encore plus plaisir quand on voit le plaisir que ça procure aux participants. Donc voilà, venir, essayer, et puis voilà, si ça ne plaît pas, bah, au moins il y aura un test. D'après les retours qu'on a eu l'an dernier, on a eu quand même très peu de retours négatifs. Donc venir et essayer pour être convaincu. Vous situeriez où sur une échelle, par exemple, de 0 à 10 sur l'évolution de votre course? Ou de 0 à 100% de combien de pourcents? De ce qu'on peut faire. Ouais, de ce que vous êtes capable. 3, moi je dirais. Alors, entre ce que vous êtes capable de faire et ce que vous aimeriez faire. Ah, alors ce qu'on produit actuellement et. Entre ce qu'on a fait le début et ce sur quoi on veut arriver, par exemple. Par exemple, ouais. Ouais, on est à 2 ou 3, je pense. Oh, abuse pas. Bah, si on évolue comme on a envie, si, je pense qu'on est, on n'est pas très haut. En termes de structure, en termes de monde, en termes de changement de course. Ouais, mais si comme ça, on dirait. Non, mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est nul, hein. Non, bien sûr. Ça veut dire qu'on a tellement d'idées qui foisonnent et on a envie de faire tellement grossir la course que je pense qu'on. Ouais. Voilà. Après, si. Moi, j'aurais pas dit si bas, mais. Bah, parce que toi, tu le resitues par rapport à ce là, on est parti, ouais. Forcément, la première édition, là, on va être à la 6e édition. C'est vrai que quand on compare à la première, c'était. On s'est dit nous-mêmes, c'était pourri, ouais, vraiment. Après, c'est le début, Mais au moins, c'est sympa d'en reparler. On parlera de nous sur l'intérieur sport, on pourra dire ça. On est des professionnels, on est des bénévoles, on fait ça, ouais, bénévolement, on n'est pas rémunéré, c'est pour notre association. Et ouais, je pense qu'il y a une belle marge de progression encore qui nous attend. Ouais, c'est plus en ce sens-là, en fait. Mais après, je pense que ça reste quand même. Cette qualité. Qualitativement, très, très, très correct. Et ce qui est important sur une course à obstacles, c'est que c'est. Très sécurisé. Enfin, si on prend les historiques des blessures, on a dû avoir 2 blessures l'année dernière. Dont une qui était sur la course, sur le bitume. Une blessure l'année vraiment grave l'année il y a 2 ans. Donc sur des courses à obstacles, c'est quand même avec le nombre de participants, c'est très très positif. Donc voilà. Donc ça c'est important, mais ouais non, je pense que on est déjà pas mal. Et oui, par contre c'est sûr que. Des projets, on en a et on s'arrêtera pas. Le meilleur compliment, ça a été un monsieur qui était venu faire une course obstacle, qui était spécialisé course obstacle et qui nous a dit rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux en fait. Ça motive ça, ça fait plaisir. Là, ça veut dire continuez les gars, vous êtes bien partis. Et un autre qui nous avait dit là, vous commencez à être une vraie course obstacle, c'est Justin du VNB qui nous avait dit ça, vous commencez à vraiment monter en gamme. On essaie. Ouais, ouais. Encore du boulot. Hein. Non, après, ouais. Quelques petites infos aussi, si j'en profite. Bien sûr. Toi, tu peux, vas-y. C'est vrai qu'on a quelques petites nouveautés qu'on n'a pas forcément dit cette année. On aura le plaisir d'avoir des douches. Ah. Et parce que c'est quelque chose d'important quand même. Bien sûr. Pour une course à l'état, quand on se roule dans mieux que des douches, des vestiaires. Des vestiaires. Ah ouais. Avec des c'est grand luxe. Ouais, quand les participants l'an dernier, bon, même s'il faisait beau, hein, ils devaient se rincer au tuyau d'arrosage. C'est vrai que c'était un petit peu drôle. On va dire que c'était le dernier obstacle. Assez confortable pour nous, donc ouais, il y aura de quoi se restaurer sur place. Il y a les douches, on peut rester sur place, passer un bon moment. On va essayer de mettre en place des animations. Pour l'instant, on a quelques petits projets, mais on va mettre quelques petits jeux en place. Enfin, voilà, après, ça reste du projet. Il nous reste encore un mois pour bien caler ça, mais ouais, on va passer un bon moment et ça va être sympa. Une précision, quand est-ce qu'on peut récupérer les dossards? On les récupère le week-end d'avant? Le samedi. Samedi la veille. La veille, d'accord. Ou le jour de la course. Au jour de la course. Alors nous, ça nous arrange la veille. Bien sûr. Évidemment. Et ça se fera, je pense qu'on peut le dire, parce que ça a été conclu. L'un de nos partenaires de club, donc de l'association et puis de la course, c'était Carrefour, de Cap-Saran. D'accord. Et donc, ça a été validé. On devrait faire la réception des dossards à Carrefour-Saran. Parce qu'on sait que c'est un lieu qui draine énormément de monde. Et ça permet nous d'envoyer pas mal de sorts, parce que l'an dernier il y en a quand même un tiers qui sont partis, donc là s'il pouvait y en avoir un peu plus. Bah oui, ça vous libère du voilà. temps pour le matin. Après, il y a des gens qui viennent de loin. Hein. On a des gens qui... La course commence à être connue beaucoup moins localement, et il y a des gens qui viennent d'assez loin, de Normandie, Limoges, ouais, ça d'accord, commence ouais. à être. C'est bien. Il y a pas mal de courses à obstacles sur Limoges, ouais, et c'est vrai que Limoges ça vient pas mal. Normandie, Bretagne, un peu de Pays de la Loire, un peu de l'Est aussi. Non, ça commence à. On n'est plus du tout sur... avec le nombre d'habitants qu'il y a à Orléans, on arrive à avoir des gens de l'extérieur. Mais tant mieux, enfin c'est bien aussi. Ouais, c'est bien, mais c'est plus d'Orléanais. C'est très mieux d'être sur pays, bien sûr, de pouvoir avoir sur place. Bah très bien, mais écoutez, en tout cas, j'espère que. Bah qu'on va te voir. Bah bien sûr. Je me suis engagé, maintenant j'ai plus le choix. Tu serais là cette année. Mais j'espère qu'on aura réussi à faire des inscriptions aujourd'hui, ce soir. Espérons. Et puis on prendra rendez-vous à la fin de l'émission tout de suite pour le prochain. Alors je vous laisserai une semaine de battement, rassurez-vous. Je ne m'aurai pas de venir le lundi suivant. Je sais que vous allez être très fatigué, ça va être très éprouvant. C'est-à-dire qu'on dort du lundi, du lundi à minuit jusqu'au mardi à minuit. Mais on se reverra très vite après. Avec plaisir. Pour faire le débrief de tout ça. Et avec Maxence, et puis même peut-être d'autres. Si y en a et qui... bah, c'est des filles après. Et bah, il y a des filles. Il y a Annaëlle, mais Annaëlle est plus sur nous, mais sinon après, c'est des filles. Ouais. Il y a des femmes maintenant dans la. Ça nous dérange pas, nous. Ça va nous faire bizarre, nous. Très bien, un point sur les scores des directs. C'est fini en Ligue 2. Donc Metz s'est imposé face à Béziers 1-0. C'est pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. Avec ce succès, Metz prend 3 points d'avance sur Brest. On en parlera tout à l'heure de cette Ligue 2. En Angleterre, donc la Coupe d'Angleterre, la Cup, c'est United qui s'est imposé finalement face à Chelsea, donc 2-0, avec un but de Herrera et de Pogba. Donc c'est United qui continue la compétition. On verra tout à l'heure les autres qualifiés. En Espagne, ça se termine aussi dans quelques secondes, entre Bilbao qui mène 1-0 sur la pelouse de Huesca, et également en Allemagne, c'est fini. Donc match nul entre Nuremberg et Dortmund, 0-0. Dortmund qui n'a pas réussi à marquer. Et puis en Italie aussi, la Roma s'est imposée face à Bologne 2-1. Et enfin au Portugal, Benfica mène 3-0. C'est bien parti pour la victoire face à Aves pour la 22e journée de la Liga Zagreb. Je crois que ça doit être comme ça. Et championnat turc, t'en parles pas. Et on peut parler de championnat turc si tu veux. Qui m'ont fait perdre 10€ d'ailleurs ce week-end. Championnat turc. Istanbul qui mène 1-0, le leader d'ailleurs, qui a battu. Et c'est fini, c'était tout à l'heure, qui a battu. Istanbul quoi? Istanbul, je peux essayer de te dire le. Bazaks, je sais pas. Je sais pas la fin du. Ils ont encore un autre club à Istanbul. Ouais, c'est pas le. C'est pas Beşiktaş ni Galatasaray, il y a un autre sport, ouais. Vous voyez donc. C'est vrai. C'est comme Londres en Angleterre, il y a un paquet de. Et qui a battu Antalya Sport 1-0. Et bah. À l'extérieur, ben voilà, écoute. Et je suis ravi. But de Kudryashov. Qui est très connu. Ouais, c'est un super joueur. Qui est très connu en Turquie. Très bien, pour les directs. On va commencer à évoquer un peu l'actualité du. Alors, il est déjà 22h46, c'est pas grave, on va enchaîner tout ça. On va parler pour commencer du ski et allez. Du biathlon. Il y avait plein de choses du côté du ski d'abord. C'était les championnats du monde la semaine dernière. Enfin, ça a duré presque deux semaines. Ouais, presque deux semaines. C'est ça. Hein. On a entendu parler beaucoup de la deuxième semaine en fait. Ouais, c'est ça plus. Alors, c'était. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Ore. Ore, c'est ça. En Suède. Donc, on avait déjà évoqué la victoire d'Alexis Panturo dans le combiné. Ça, c'était une belle médaille. C'était les deux, on va dire, les deux courses classiques hein, du ski alpin. Le géant d'abord, c'était vendredi après-midi. Victoire de Henrik Kristoffersen, le Norvégien. Je sais pas si vous avez vu la. Alors, j'ai vu que la deuxième étape. Je l'ai pas vu, mais Panturo était pas en tête à la fin de la première manche. Si. Sissi Pinturo était en tête avec 17 centièmes d'avance sur Hirscher. Ouais, et il fait une grosse faute. Ouais, et 37 sur. Alors, il est devant. Alors, celui, c'est lui qui parle dernier. Hein, il est devant après le deuxième. Premier intermédiaire, puis le deuxième, il bascule derrière. Petite erreur. Hein. Hirscher qui finit deuxième. Ouais. Et Pinturo, donc troisième, médaille de bronze quand même pour lui. Ouais, gros podium quand même. Bah, toujours les trois meilleurs. Hein. Et puis, Hirscher, lui, qui remporte son troisième championnat du monde dans la catégorie du slalom, qui est toujours énorme. Et il s'impose avec 65 centièmes d'avance sur Michael Matt, un autre Autrichien. Et encore un Autrichien troisième, c'est Marco Schwartz. Et alors là, Pinturo, il était en tête. Hein. Et il avait l'avance et il fait une faute d'intérieur dans un virage. Et il repart derrière. Et il ne rattrapera jamais son retard. Et lui, il sortait, il sortait avec seulement 4 centièmes de retard sur Hirscher. Ouais. Alors. Après, pour la victoire, Hirscher, c'était impossible. Hein. Il a mis quand même 65 centièmes au deuxième. Et par contre, c'est vrai que pour le podium, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais comme tu l'as dit, des erreurs. Et, ouais. Et puis Clément Noël, septième, c'est un peu une déception. Puisqu'on l'attendait après deux victoires janvier. Et malheureusement, il est passé un peu à côté. Et bon, voilà, c'est dommage, mais bon, il va apprendre. Il va en faire d'autres. Hein. Ouais, il est vachement jeune. Il est vachement jeune. Ça, c'est donc, c'était pour les hommes. Et puis chez les femmes, donc c'était également ce week-end. Alors ça, c'était un peu décalé, un jour de décalage. Avec peut-être, ils ont annoncé peut-être la plus grande skieuse de tous les temps. Tout à fait. On parle bien sûr de cette skieuse qui est Petra Vlova. Non, pas du tout. Non. Non, je plaisante. C'est là qui est pas mauvaise d'ailleurs. Hein. Non, c'est vrai. Mais on parle bien sûr de Mikaela Shiffrin. Ouais. 23 ans, elle a déjà 46 victoires en Coupe du Monde. Elle va battre le record, je pense. Ouais, elle va éclater tout le monde. Victoire sur le slalom, donc devant Larsson, la suédoise, et donc Petra Vlova qui a aussi pris le bronze. Qui a pris des médailles partout. Ouais, elle a pris sur toutes les courses ? Quasiment, ouais, je crois. Regarde, mais. Tu as peut-être raison. Pas sur le Super G. Que sur les épreuves techniques alors. C'est vrai que c'est difficile d'être bon partout. Hein. Ouais, c'est. Hercher, il est bon. Elle a pris l'argent sur le combiné, et en descente, elle a pris. Non, elle a rien pris, mais bon. Elle a quand même pris. Les techniques, quoi. Ouais. Le slalom géant a gagné. Donc avec. Shiffrin qui fait 3 aussi. Ouais, Shiffrin 3ème aussi. Hein. C'est savoir les 6ème. C'est son meilleur classement de la. On a fait un beau tir groupé. Hein. 3 Français dans le top 10, mais malheureusement, aucune dans le podium. Donc ouais. En tout cas, ça fait. 2 médailles. Peinture. 2 médailles. Et il a fait une de bronze aussi. Peinture. Oui, non, il a fait 2, non. Non, il a fait que 2 médailles. Ouais. Ah oui, il a fait or et bronze, c'est pas mal déjà. On n'a pas fait autre chose. Non, il a pas fait la 3ème puisqu'il s'est raté au. Ah, on a fait que 2 médailles alors. Ouais. Ah non, je crois qu'on a fait plus que ça. Ah non. Ah, c'est pas grave. Non, mais c'est pas mal déjà. Oui, c'est correct. Si, Johan, on l'a clavé. Ah oui, Johan clavé, exact, sur le Super G. Et d'ailleurs, il fait. Argent, il fait, puisqu'il arrive à égalité. C'est rare d'ailleurs. C'est vrai. Au centième près. Donc en tout cas, bah voilà, des championnats du monde. Alors c'est. C'est vrai qu'on. Est-ce qu'on peut dire réussi quand on gagne que 3 médailles, mais en même temps c'est difficile hein, de gagner plus sur 6 courses. Enfin 12 si on compte. Tu parles plus. On compte les femmes. Si. Enfin, c'est forcément réussi après. 5 courses, pardon. Déjà tu fais des médailles, donc c'est cool. Il y a certains sports où tu fais pas de médailles. Après, c'est peut-être au vu des athlètes qu'on a, peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Mais moi je pense que c'est assez réussi quand même. Ouais, après, il y a Dubry qui me fait des grands sourires derrière le micro parce qu'il sait que j'ai pas forcément suivi le ski et que je suis pas forcément. Ah, mais c'est compliqué. Enfin, il y a beaucoup. Non, en fait, il y a deux nations qui sont énormes, la Norvège et l'Autriche. Bien et sûr. Après, le reste, et la Suède chez les filles, mais après, c'est dur. Hein. Et Victor Mufajordé aussi, c'est fini. Il a arrêté sa carrière. Il fait une 14e place pour finir en slalom géant. Très bien. Voilà, tu vas être plus compétent sur la prochaine épreuve, je pense. C'est le biathlon. Ah, bah ça, on va pouvoir en parler beaucoup. Il reste bien sûr des choses avant la fin de la saison. Il y aura une épreuve. Alors, ils seront peut-être pas tous présents, puisqu'ils vont se reposer quand même, mais un slalom qui sera couru demain à Stockholm. On restera en Suède. Après, il y aura une partie en Bulgarie. Pourquoi pas. Allez. Ensuite, il y aura deux épreuves en Norvège. De la Slovénie et enfin l'Andorre. Je crois que c'est la première saison cette année, non ? Ouais, et c'est la finale, non ? C'est la fin de la saison, ouais, tout à fait. Ah, Soldeo. Décembre, Super G, Slalom Géant. Qui est là-bas, c'est bien. Ah, bah, quoi, je connaissais pas. Donc il y aura tout sauf il y aura tout sauf du combiné. Il y aura, et ça se terminera en apothéose. Pour finir, alors évidemment, au classement, il n'y a pas de surprise, c'est Marcel Hirscher qui va s'imposer. Pinturo qui est comme deuxième, hein, avec un petit peu d'avance sur Christopher. Et je crois qu'il doit être leader. Si je dis pas de bêtises sur le combiné, c'est possible. Non. Non, c'est pas sur le combiné. Sur une autre. Alors, est-ce qu'il y est plus sur le géant peut-être. Ouais, peut-être. Je sais plus. Je sais qu'il est leader d'un. Ah bah, il est plus leader alors. Il était leader du combiné, mais il s'est fait passer devant. Mais c'est quand même serré. Hein. C'est Marco Schwarz qui est leader et Jordé deuxième d'ailleurs. En tout cas, c'est pas fini. Changeons de discipline, mais on reste dans le sport d'hiver. C'est le biathlon, c'était l'étape à Salt Lake City. Alors c'était pas d'ailleurs sur le, c'était exactement, c'était, je sais plus comment ils ont donné le nom du site, j'ai oublié. C'était d'ailleurs le site des Jeux Olympiques 2002, ouais. où notre ami norvégien Ole Einar Bjørndalen avait fait le grand chelem. Il avait remporté toutes les médailles, je crois. Ce qui n'est jamais arrivé depuis. C'était donc la dernière étape avant les championnats du monde, dont on parlera après. Alors, on avait au programme. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'étape d'avant en Norvège, en Canada, qui a été très perturbée. Par le froid, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup d'annulations, de raccourcissements sais pas si on peut le dire, ouais, si, si. D'épreuves et beaucoup de reports, mais là ça s'est bien passé au niveau du programme aux États-Unis. D'abord le sprint, le premier jour, victoire du Norvégien. Alors c'est vrai que les Norvégiens, on en parle, ils sont bons au ski, ils sont bons au biathlon. Quand c'est pas Bø, c'est Christiansen qui est bon aussi, qui s'impose pour seulement une seconde et trois centièmes, trois dixièmes d'avance sur Simon Détieux, qui fait aussi une grosse saison. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que Martin Foucault, il avait fait l'impasse sur les deux étapes pour se préparer pour les championnats du monde, mais quand on voit le reste de l'équipe de France, ils sont tout à fait à la hauteur de Foucault maintenant. C'est monstrueux, mais Foucault, il va être énorme au monde. Je pense qu'il va être énorme. Donc Détieux, donc il prend l'argent. Fillon Maillet 6e, Guigonna 9e. Fabien Claude 16e qui revenait en Coupe du Monde. Simon Fourcade 23e. Enfin, il y a Emilien Claude qui devait être en dessous. Oui, Emilien Jacquelin. Non, Emilien Jacquelin. Oui. Qui est un peu plus loin, ouais, mais quand même trois Français dans le top 10, c'est très régulier. Hein. C'est tout le temps installé. Tout le temps, ouais. C'est tout, à chaque course. Chez les femmes, victoire. Donc dans le sprint, je suis pas sur le sprint, je suis sur la, pardon, sur la poursuite de Roiseland. La jeune norvégienne, là, elle est forte, elle. Hein. Ouais. Je sais plus comment son prénom. Roiseland, mais je sais pas. Marte Roiseland Olsbu, qui est très forte aussi, ouais. Macarénienne aussi, qui est régulière depuis plusieurs années. Hein. Et puis Hildebrand, troisième, qui est l'allemande aussi. Alors les Allemands, que ce soit les Allemands, les Norvégiens, ils sont très très bons. Hein. Et donc victoire de la Norvégienne. La poursuite, c'était ensuite. Alors, je crois qu'il y a eu un changement dans le programme. C'est que des poursuites normalement. Ouais. Il y a eu une poursuite homme, c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, ça devait être au départ un mass start et ça a été changé. Mais en tout cas, la poursuite, elle, qui avait lieu. Alors, c'est vrai que c'était compliqué de suivre. Enfin, peut-être moins compliqué parce que d'habitude, c'est en journée, donc quand on bosse, c'est difficile. Ça dépend pour qui. C'est vrai. Mais en tout cas, c'était beaucoup le soir, hein. 19h, 22h. Il y a même un, je crois, le sprint qui finit à pas loin de minuit le premier jour. Et la poursuite, c'est vrai que c'est très sympa comme étape parce que c'est. On garde les écarts de la veille. Enfin, de la veille. Ouais. Et d'avant-veille. Super, les garçons ont été monstrueux. Ouais, c'était avant-hier. Et victoire donc de. Quentin Fillon-Maillet, c'est sa deuxième victoire en carrière, qui a été juste énorme. Ouais, il a atomisé Bø. Alors c'est vrai que Bø, il est énorme depuis le début de la saison. Et sur ce week-end, il a. Est-ce que le fait d'être. Moi, depuis le début, je dis que Fourcade, il se prépare pour les mondes et qu'il laisse un peu filer la Coupe du Monde. Mais c'est pas la première saison que les Norvégiens ils sont préparés pour les Coupes du Monde et pas pour le. Johannes Bø, je lui souhaite d'être bon, mais j'ai l'impression que ça va un peu. Ouais, même si là il a au relais mix, il en a remis une couche. Ouais, on en parlera, ouais, on va en parler. Il a été monstrueux. Fillon Maillet donc énorme, c'est un 20 sur 20. Je crois qu'ils sont que deux à avoir réalisé le 20 sur 20 Il est la poursuite. Il est très bon en tir en ce moment. Christiansen qui fait des deuxièmes du coup, qui avait fait premier la veille, 25 secondes quand même d'avance hein. Et puis Simon Détieux troisième. Ouais. Avec 47 secondes, Bø quatrième. Un peu très loin, une 37. Et après, les autres Français, Guigonna, il fait dans les 10 encore, je crois, et ils font 15 et 16 ouais. Pour 4 et... Top 20, top 17, on ouais. Fait 4 premiers, enfin 4 sur Français. Voilà, énorme. Et puis Johannes Bø encore qui a fait sur le tir une catastrophe ce week-end. 3 fautes debout, non, c'est pas ça ? Ouais, sur le. 1, 2. 2, et sur le coucher aussi, enfin il a craqué. Sur le sprint aussi, il en fait 2-3. Ouais, c'est ça, sur 7, sur 10. Et c'est vrai que la saison. Alors. Pour le gros globe, c'est fini. Faut se le dire maintenant. Ça va être compliqué. Enfin, non, c'est fini. Bah, sur les skis, il va trop vite. Donc maintenant. Ouais, c'est là. Sur les skis, il a mis 20. Sugel, là, au relais mix. Ouais. Il a mis 20 secondes dans le premier tour au français. Et lui a remis 20 secondes dans le dernier tour. Quand tu vois les fautes qu'il fait et à combien il finit. En fait, c'est vrai qu'il peut se permettre. Alors, c'est vrai que c'était un peu le cas de Fourcade il y a. Peut-être pas l'an dernier, mais il y a 2-3 ans. Il était tellement bon sur les skis qu'il pouvait se permettre de lâcher une balle, voire deux. Ouais. Bon, maintenant c'est plus trop le cas. Parce que... ça va revenir. Il est pas si vieux, Fourcade. Non, il a 30 ans. Ça va revenir. Ouais, il a 30 ans et 29. Non, mais c'est vrai qu'il a connu une saison, ça arrive. Hein. Cette année de suite, il gagne. On peut lui laisser une année voilà, un peu vide. Puis il y a les jeux. Enfin, les jeux. L'an dernier, il y a eu les jeux. Hein. Et il en prend 3 quand même. Voilà. 3 médailles d'or. Donc c'est vrai qu'il a fait il a beaucoup d'efforts l'an dernier. Mais Bø, ouais, c'est vrai que c'était l'année. Ça faisait 2-3 ans où on sentait qu'il titillait un peu Fourcade. Mais cette année, ben, c'est lui le meilleur et. il va s'imposer dans le gros globe. En tout cas, voilà, victoire de. C'était sympa, Fillon, vous voyez, quand même, de voir s'imposer. J'étais content de le voir s'imposer, moi, sur cette poursuite. Et sur le. Et puis sur la poursuite femme aussi. Alors, c'est vrai que les Françaises sont moins en réussite que les hommes en début de dans cette saison. C'est moins ouf. C'est moins sympa. Mais bon, c'est vrai, il y a quand même de belles courses à voir. C'est Denise Herrmann, l'Allemande, qui est énorme aussi. Hein. Bon, toutes les Allemandes et tous les Allemands, globalement, ils sont très forts. Puisqu'on retrouve une autre Allemande deuxième, c'est Franziska Hildebrand. Et Kesa Mäkäräinen, troisième. Voilà, avec des écarts assez faibles. Marthe Holzbourg-Hollande qui finit quatrième, qui a craqué un petit peu. Elle qui partait devant. Et puis enfin, les relais. Relais mixte. Relais mixte. Là, on avait gagné d'ailleurs la première étape. On avait gagné. C'est le relais mixte, relais mixte. Ouais, il y a le mixte simple, voilà, aussi. Mais... Relais mixte simple, c'est les à deux. Hein, un biathlète et une biathlète. Et on se relaie. On fait deux relais chacun. Et la France, troisième quand même. Hein. Antonin Guigona, Julia Simon. Julia Simon qui est une jeune biathlète. Dans cette saison et qui a fait quand même une belle course. L'Italie avec Hofer et Virer qui sont énormes aussi. Hein. Dorothea Virer, elle est énorme. Elle est énorme. Hein. Et puis l'Autriche, Simon Eder et Lisa Teresa Hauser, deuxième. Et je crois que sur les quatre dernières saisons, ils font soit premier, soit deuxième, hein, les Autrichiens. Ouais, c'est toujours le même relais. Ouais, Simon Eder, c'est une mitraillette. Trop vite, là. Puis il est efficace en plus, très souvent. Il est impressionnant. Mais... Et donc la France quand même qui devance l'Allemagne, hein, ce qui est quand même pas rien. Et puis ce sera les mixtes, et ben victoire encore de la France comme la première course de la saison. Avec alors c'était pas le même relais d'ailleurs, mais ça a toujours autant efficace. Ouais. Fillon Maillet, Détieu, Émonier et Chevalier. Ouais, les garçons, je pense que ça va rester comme ça. Faut qu'à dire, on tournera pas dans le relais. Non, pour les mondiaux. Non, je pense pas. Il fera peut-être le relais simple, par contre à la place de Guigona s'il est bien. Ouais, et il sera dans le relais homme, ah, bien sûr. Parce que là, le relais mix, il tourne bien quand même. Les deux garçons, là, ils vont. C'est dur de les déloger. Hein. C'est vrai. Là, tu le vois pas. Je le vois pas faire le relais mixte double. Par contre, le relais mixte, c'est peut-être à la place de Guigona, peut-être, ouais. Avec qui, du coup, aussi? Avec Julia Simon, encore? Non, ou avec. Comment elle s'appelle, les deux autres? Anaïs Bescon? Il y a Bescon et. Oui, Justine Bredas. Justine Bredas, peut-être. C'est vrai qu'avant, il faisait avec. Qui a arrêté, j'ai oublié Dora. Dora Humbert. Ouais, Dora. Peut-être, ouais. T'as peut-être raison, ils vont peut-être laisser ce mixte-là, il tourne bien. Ah là, ils ont fait trois pioches. Hein, trois pioches en quatre. C'est-à-dire que c'est moins d'une pioche par. C'est fou. L'Allemagne deuxième. Alors l'Allemagne deuxième, ce qui a aidé, c'est qu'il n'y avait pas. Oui. Dallmayr. Il n'y avait pas Dallmayr et il n'y avait pas non plus. Hildebrandt. Non, c'est... pas Hildebrandt. L'autre, la deuxième, oui. Denise Herrmann qui devait finir et qui a été café forfait. Ah, ça a peut-être aidé un peu, ils ont craqué un petit peu. La Norvège, troisième. Les Norvégiennes avaient la grosse équipe. Hein. Il y avait la grosse team. Il n'y avait pas Tarjei Bø qui est pas là non plus. Ah, Christiansen était très fort, qui a fait victoire au sprint et troisième ensuite. Thierry Lecoff, qui est aussi énorme en ce moment. Et puis Roy Zeland aussi. Mais c'est vrai qu'elle a craqué sur le dernier debout. Roy Zeland complètement craqué. Elle a été tournée même et ça a offert la victoire. Enfin, Chevalier, elle a bien fini aussi quand même. Et donc, ben voilà, ça termine une belle semaine, un beau week-end de biathlon. Et je crois que sur le classement nation, la France est devant. Hein. Puisque chaque année, il y a un classement nation aussi, en tenant compte bien sûr des relais, mais aussi des victoires de chacun et des scores de chacun dans chaque course. Et la France est devant. Ben, en même temps, quand on voit tous les week-ends même sympa que la France réalise, ça ne m'étonne pas. La suite du programme, ben, c'est les championnats du monde. Cool. Östersund en Suède. Je savais pas quoi faire du 7 au 17. Voilà, donc ça va. Je sais ce que tu vas faire. Je suis en ski avec les élèves. Il y a une course à préparer. Ouais, il paraît, ouais. Donc au programme, il y aura le classique de toutes les courses sont présentées. J'ai plus le programme, j'avais le programme l'autre fois. Souvent, ça commence par l'individuel. Eh ben pas cette année, désolé. C'est vrai? Non. Cette année, ça commence par le relais mixte, je crois. Et je sais plus lequel, par contre, est-ce que c'est le simple, est-ce que c'est le... Mais après, sur les épreuves individuelles, c'est normalement le 20 km. T'as peut-être raison, par contre, sur ça. 20 km, et après, ça doit être sprint, poursuite, et ensuite ma start pour finir. Alors, le 7, c'est le relais mixte classique. Ouais, c'est ça. Le 7, c'est la première course qui aura lieu. Ce sera le relais mixte simple. Donc peut-être qu'on aura Martin Fourcade pour démarrer, comme tu le disais. Ensuite, ça démarre avec. C'est les sprints cette année. Sprint femmes et hommes, le 8 et 9. Les poursuites, les deux poursuites, le 10. Alors ce sera en journée, hein, puisque c'est en Suède. Ensuite, l'individuel femmes et hommes, 12 et 13. Le truc que personne ne regarde. C'est vrai que c'est très long en plus. Hein. Ah, c'est long et il n'y a pas de suspense. C'est là où Fourcade est meilleur. Voilà. C'est ça. C'est ça. Là où celui qui va le plus vite et qui tire bien. Avec un 20 sur 20, tu gagnes. Hein. Ensuite, le relais mixte classique, le 14. Une journée de repos le 15. Le 16, les relais hommes et femmes. Et le 17, le dimanche, la course des maîtres, la course des rois, c'est la Mastart. Les Mastart, c'est les meilleurs. Hein. Bien sûr, mais là il y a de la médaille à aller chercher. Hein. Je pense que Fourcade il va être énorme. Comme aussi, je pense. Mais... Parce qu'il s'est bien reposé. C'était une belle stratégie, je pense, de pas avoir été. Avec le voyage et tout. C'est peut-être pas mal. On verra si ça va être efficace. J'espère en tout cas pour lui. C'est fini partout et sauf en Portugal, mais 3-0 à 87e. Je pense que c'est fini et le reste, ça n'a pas bougé. C'était quoi qui restait? Il restait l'Italie, ça a fini bien sûr 2-1 entre la Roma et Bologne. Voilà, on referme la page sport d'hiver. Il restera encore. L'aviron, et puis non, tu peux parler d'avion. T'as des infos sur l'avion? Moi, j'ai rien à dire, mais si t'as des choses à dire. On enchaîne avec le handball. C'était la reprise. De la saison de la Lidl Star League, la première division chez les hommes. Ça reprenait puisque c'était une longue trêve après le championnat du monde et il y avait une trêve encore après pour se reposer. Bah, c'est reparti depuis la semaine dernière. Victoire pour reprendre de Montpellier, ça a été compliqué à Nice, mais victoire. Paris aussi s'est imposé largement face à Dunkerque. Nantes s'est imposé à Chambéry. Finalement, c'est classique, hein. Ouais, ça bouge pas trop. Ceux qui s'imposent, ceux qui doivent s'imposer, s'imposent. Hein. En tête, c'est toujours le Paris Saint-Germain, 27 points, toujours invaincu d'ailleurs. Nantes est deuxième, 24 points. Montpellier, troisième avec 23 points. Chambéry suit juste derrière. ça rend. En Domino's Pizza. Ça, c'est la Ligue 2 du foot. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, il n'y a pas de sponsor. Si, je crois. C'est vrai? Je crois qu'il y en a un. C'est la Pro League, mais je sais pas s'il y en a un. Ça n'a pas un, non, quand même. C'est sûr. Pro League, non, je crois pas. Ouais, Pro League, je croyais qu'il y avait un sponsor. Ça va venir. Ça va venir. Saran. Saran qui revient. C'est compliqué cette reprise. Oui, c'est pas facile là, apparemment. C'est pas facile. Ils étaient deuxième, je crois, avant la trêve, avant les championnats du monde. Et là, ils sont sixième, je crois, de mémoire. C'est ça, sixième. Avec une nouvelle défaite. À domicile en plus. À domicile, c'était samedi soir, face à Créteil. Faut être dans les 6 hein, pour jouer la montée, je crois. Pour jouer les playoffs, ouais. Tout à fait, ouais. 32, je crois, les deux premiers sont qualifiés direct pour les demi. C'est ça, et après, c'est comme au rugby, je crois. Barrage, ouais, exactement, barrage. C'est comme au rugby. Les barrages et pour rejoindre les deux premiers. Donc défaite 32-22 de Saran. Ah, ça pique. Ça pique. Sixième donc avec toujours en tête alors Chartres ils vont je crois et ils sont ex-aequo avec Limoges en plus donc c'est chaud. Ouais, Limoges qui est septième, 19 points, Massy 20 points, Dijon 22. Après c'est loin par contre. Après ouais c'est assez loin quand même derrière. 13 points. Créteil 23, Nancy 24 et Chartres 27. T'es sûr que le premier monte pas directement? Je croyais mais en fait non, j'ai relu un peu les conditions et 1 et 2 se qualifient pour les demi et 3 4 5 6 jouent les barrages, les qualifiés vont jouer le 1 et 2 en demi. Je crois que ça fait mal à Saran de voir qu'il y a Chartres devant quand même. C'est vrai, c'était avant la trêve, ils ont pris une belle contre Chartres. Ouais, donc. Ça a fait mal. Hein. Est-ce que ça a été peut-être le tournant aussi de la saison? Malheureusement. Le prochain rendez-vous pour Saran, parce qu'il faut quand même. Qui rejoue, Faut rejouer, hein, c'est pas fini. Peut-être hein. Pas s'arrêter maintenant. La suite donc de la saison. Avec un match qui aura lieu, ce sera vendredi. Vendredi, c'est ça, à l'extérieur, pour Saran. Pour tenter de repartir sur une dynamique, on espère, un peu meilleure. Et qui jouera face à. Saint-Marcel. Je cherchais parce qu'il n'y a pas toujours les noms. J'ai bien vu que tu cherchais. Merci. Qui est 13e. Avec 3 victoires en 16 matchs, donc autant vous dire qu'il faut gagner là. Ouais, oui, ça serait bien, mais comme tu joues aussi ta survie, parfois, bah oui. Bien sûr. Des fois, tu es meilleur. C'est pas facile. Donc ça, ce sera... vendredi soir. Saran, entre parenthèses, qui est toujours qualifié pour la Coupe de France. Oui, c'est ça que j'ai vu. Ouais. C'est pour ça que je croyais que c'était la Coupe, moi, ce week-end. Enfin, mercredi, c'était quand La Coupe, ce sera quand? Non, je croyais que c'était la Coupe contre Créteil, en fait. Ah non, ce sera le... Mais après, on m'a dit que c'était le championnat, j'ai fait « Ah, ça pique ». Ah oui. Non, bah oui. Mais il sera peut-être été mieux... Enfin, je sais pas. Oui. Je sais pas, en fait. La Coupe de France, c'est les quarts de finale. Saran est qualifié pour les quarts, donc, bien sûr. Et ce sera à Nancy. Qui est en Pro League aussi. Ouais, qui est en Pro League et qui est derrière eux, je crois bien. Ils sont pas derniers. Ils sont. Alors, je cherche. Ah, bah, ils sont peut-être. Ils sont deuxième. Ah. Ouais. Après, c'est la coupe. Ah. Ouais. Bon, c'est à l'extérieur. Mais bon, ce serait l'occasion de se qualifier pour une première demi-finale de leur carrière. Ouais. De leur histoire, pardon. Après. Et il y a une coupe de la Ligue aussi. Ils ont. Mais... Ouais, mais c'est. Par contre, pas chez les femmes. Coupe de la Ligue, s'est arrêtée. C'est pour ça aussi qu'ils n'y arrivent pas, il y a trop de matchs. Ouais, bah, ils sont partis tôt, hein, ça rend. La Coupe de la Ligue. Ouais, c'est parti au premier tour. Hein. Ouais. Mais bon. Contre Nîmes, faut dire. Bah, c'est fort, hein, Nîmes. Mais la Coupe de la Ligue, ouais, ce sera. C'est un peu tout ça dans un mois, les demi-finales. Donc voilà, on espère qu'au moins ils vont. Sauver on espère leur après, c'est pas le. C'est pas l'objectif c'est du pas tout. Pas l'objectif. Hein. C'est sûr. Chez les femmes, Fleury. Qui s'est imposé encore, puisque ça fait 4 matchs sans défaite, alors qu'ils étaient un peu dans le dur en première partie de saison, ça va beaucoup mieux. Victoire 34-29, c'était au Palais des Sports, samedi soir, donc face à Besançon. Et au classement, eh bien Fleury, qui se replace très bien, qui est 6ème. Qui joue les playoffs. Ouais, c'est 6 premiers aussi. Hein. C'est pas les 8, 8, c'est les 8. T'as même raison, c'est les 8. Et le reste joue les play down. C'est ça. Hein, donc pour l'instant, ça va bien. Il y a 6 points d'avance. Ouais, ça va le faire, je pense. Toulon, Saint-Cyr qui est derrière. Il y a quand même, ouais, Toulon, Saint-Cyr et il y a Chambray-les-Tours qui est juste derrière. Ouais, un match nul le week-end passé d'ailleurs. Donc 34 points en haut. Metz, 51 ouais, points. Metz et Brest, c'est intouchable. T'as encore gagné à Nantes hier soir. Et Brest a perdu contre Nice, mais normalement Brest, c'est monstrueux. Hein. Ouais, c'est très fort. C'était leur deuxième défaite de la saison seulement. Ouais, okay. Ils sont très très fortes aussi. Nice, 3ème, donc Besançon, Nantes et Fleury, 6ème. Chambray, Paris, 92 sont pour l'instant les autres qualifiés pour les playoffs. Il reste encore quelques journées, 5 journées. Ah, ça devrait le faire. Et du coup, c'est quoi l'information sur le. Ça va être plus dur? Pourquoi vous disiez que ça va être plus dur pour Fleury? Alors, Fleury qui perd son président à la fin de saison, qui a annoncé la semaine dernière qu'il arrête. À l'actionnaire. Et qui est aussi actionnaire. Qui est aussi actionnaire. Ah, qui arrête aussi ouais. L'actionnariat, je ne sais pas si ça se dit. Si, si. Ça se dit. Et qui arrête de. Bah... S'il veut donner un peu d'argent à la boueuse, on est pas mal. S'il veut changer de sport. Ouais, ça lui coûtera moins cher. Et il arrête de donner des billes aussi au club. Et pour l'instant, bah, il recherche un repreneur, évidemment. Sauf que là, un repreneur de cette hauteur-là. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, hein. Parce que là, Leclerc, il alimente quand même. Ouais. Donc pour l'instant, bah, tout ce qui concerne le recrutement, bien sûr, tout ça c'est gelé. Les prolongations de contrats, c'est arrêté pour l'instant. Mais ça fait un moment qu'il le dit. Hein. Ouais. Mais alors, après, ce qui joue dans sa décision, c'est bah, l'histoire des salles. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il ne veut toujours pas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il joue. Il est actionnaire principal. Ouais. Je pense que Leclerc a les moyens d'aligner une salle et de la mettre au nom du club et de. Il n'a pas envie de le faire, mais. Il pourrait. Je pense qu'il pourrait. C'est ça que tu veux dire, oui. Bon, bah, en tout cas. Du coup, s'il nous écoute, je suis désolé. Après, il n'y a pas que ces subventions-là qui peuvent. Non, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il se retire, parce que c'est un petit peu injuste dans le sens où c'est pas que les subventions privées qui doivent prendre le dessus. Donc, moi, là-dessus, moi, je suis un peu. Un idiot peut-être, mais c'est les sociétés pour moi, c'est plus des clubs d'associations sportives communales ou locales. Et pour moi, les. C'est pas ça, mais c'est pas. Enfin, quand tu regardes la part des choses, c'est pas. Enfin, peut-être que moi aussi, je suis un peu crédule, mais je pense pas que ce soit à eux de mettre autant, tu vois. Ouais, je sais pas, parce que c'est des sociétés pro. Donc en fait, ils récupèrent d'un côté les droits à l'image, etc. Mais les subventions publiques vont quand même à ces entreprises-là qui récupèrent les droits d'image, qui ont des sponsors. Et par contre, les petits clubs à côté qui sont en galère n'ont pas autant. Après, c'est sûr qu'ils ne véhiculent pas la même image de la ville qu'un club professionnel, mais quand je vois ce que brasse, alors le hand c'est moins que le foot, mais l'USO, quand je vois tous les sponsors qu'ils ont et ce qu'ils brassent par la ville, je me demande pourquoi l'USO l'argent pourrait très bien aller sur les autres assos. Bien sûr. C'est quand même pas les mêmes dimensions. Enfin, d'un club qui est en Ligue 2, d'un club qui est. Non, mais le RCO, c'est pareil. Hein, le RCO, ils sont bien moins bons que les filles au hand. Et la ville d'Orléans, tous les ans, les réaligne des ronds pour éviter la crise financière. Hein. Donc, je trouve que quand on est une société et qu'on touche les droits d'image et qu'on a des sponsors à la hauteur de Gontier, on devrait trouver des moyens de faire autrement qu'avec les subventions publiques, qui coûtent beaucoup d'argent aux contribuables et qui pourrait rapporter plutôt aux petites assos et aux petits clubs et aux petits gens. Quand on parle de subventions, c'est mon avis. Hein. La ville d'Orléans donne aujourd'hui 80 000 euros à Fleury. Quand il donne 1 million 2 au basket. Mais c'est le même combat. Hein. Oui, et qui est au même niveau finalement, première division. Ah oui. Sport masculin. Bah, aussi. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, on attend un repreneur. Et puis le basket, ils vont leur faire une salle. Ah bon ? Ouais, c'est quasiment acté. Le parc des expositions et. Ah oui, le fameux. La comète, le projet Comète, ça va se faire, oui. Oui, ça y est. C'est sûr. Alors, ça devrait démarrer. Très bien, enfin, très bien ou pas, je sais pas. Pour l'athlé, non. Alors, pour Fleury, alors c'est vrai que c'est assez contradictoire parce qu'il tourne très bien alors que. Ouais, mais après la mairie a peut-être pas les moyens. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Il tourne très bien depuis l'annonce du. Voilà. Peut-être pour le motiver à rester. C'est peut-être. la suite de la saison, ça se passe en Coupe de France. Alors, il n'y a pas de Coupe de la Ligue chez les filles. Hein. C'est fini. Et d'ailleurs, c'est Fleury qui avait remporté la dernière avant l'arrêt. Et Coupe de France, c'est les huitièmes de finale. Fleury recevra Nice samedi à Montargis. Ce sera pas à domicile, ce sera à domicile, mais c'est délocalisé. C'est vrai qu'ils jouent partout. Ils jouent au Palais des Sports. Ils jouent à Saran, ils jouent à Fleury, maintenant ils jouent à Montargis. Ils jouent partout, les filles. Donc samedi soir à 20h face à Nice, qui est très bien. Oui, qui est devant d'ailleurs. Qui est troisième, donc pourquoi pas, hein, avec un public. Et il y aura tout le monde qui va jouer, Metz, Nantes, voilà, tout le monde jouera aussi. Il y a quand même des sacrés bleds. Hein. Rochechouart Saint-Junien. Ouais, Saint-Junien, nous on connaît parce qu'en fait, il y avait un club. Stella Saint-Maur. Ah, Stella Saint-Maur. Ça, tu connais Stella. Hein. Ouais. Stella, toi. Bourg de péage. Bourg de péage. Je crois qu'il y a une autoroute pas loin, non ? Ouais, non, mais. Quand même. Ouais, non, mais bon. C'est la Coupe de France, hein. Ouais, et puis c'est le hand féminin. Enfin, sans être. Péjoratif. Non, péjoratif, c'est le hand féminin. Je pense que c'est pareil sur le basket masculin. Ouais, oui, oui. Les petits bleds. Les petits bleds. Et puis en championnat, ça reprendra la semaine suivante, le 27 février. Fleury se déplacera à Brest. Pas facile non plus, hein. Ils enchaînent deux grands matchs, là, hein, même si c'est pas les mêmes compètes. Un petit mot avant d'attaquer la suite, la Ligue des Champions. On approche de la fin de la phase régulière, enfin de la phase de groupe, on peut dire. Montpellier a gagné hier à Kielce, en Pologne. C'est ça, hein. Mm-hmm. Arrêtez-moi si je me trompe. Oui. Montpellier 6e, avec 7 points. Ça va être très compliqué. C'est les 4 premiers. Hein, ils ont annoncé que Michael Guigou. Partait l'an arrêter. Prochain. Et là, il veut pas arrêter lui. Mais oui. Ils lui ont proposé un contrat d'entraîneur afin de. Et veut continuer à jouer lui. Staff et ça marche pas trop plus, je crois. Donc c'est les 4 premiers, je crois, qui passent. Oui, c'est qu'il y a l'écart. Donc. Ils ont un sacré groupe quand même. Hein. Ouais, ils ont du Barça, du Vesprem, Vardar, les Macédoniens. C'est vrai que c'est gros. Et puis Kielce, même Rennes. Ouais, c'est vrai que c'est très gros. Montpellier rejouera encore 2 fois. Il recevra le Barça dimanche. Bon, bah voilà, ça va être compliqué. Hein. Et il ira à Vardar samedi suivant. Donc, ça reste peut-être compliqué. Dans l'autre groupe, Paris et Nantes. Ou Paris. Ils sont dans le même groupe ? Ouais, il n'y a que deux groupes. Ouais. Ah oui, d'accord. Paris a battu Zagreb à domicile. Nantes a été battre Schkernj. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui sont des. Skiern, peut-être. Danois. Avec un I. Ouais. Skiern. Peut-être. Paris 22 points en tête, voilà, qui va se qualifier et qui va normalement finir premier, ce qui leur permet d'aller directement en quart de finale. C'est un avantage. Nantes est 4e et a un point d'avance sur le 5e. Donc pour l'instant, ça, c'est bon, mais il reste deux matchs. Nantes reçoit Szeged, c'est ça ? Ouais, tu prononces bien, je sais pas. Les Hongrois. Szeged peut-être. Szeged. Paris va à Selgi. Ouais, bah, c'est bilingue, je crois. Oh, c'est bon, on peut tout faire. Hein. Non, mais tu parles slovène. Et le hongrois. C'est pas mal déjà. Donc ça se passe pas mal pour nos équipes françaises en Ligue des Champions. Chez les femmes, c'est Metz aussi qui est engagé. C'est la dernière équipe engagée dans le deuxième tour avec Brest. Metz, c'est tout l'écart. Metz premier avec 11 points, Brest dernier avec 2 points. Il reste encore 2 journées. 2 journées, ouais, c'est ça. Mais ça risque d'être compliqué pour Brest. En revanche, Metz devrait se qualifier pour la suite. Ça, c'était pour Lyon. Quelque chose à rajouter, peut-être, messieurs, sur Lyon ? Non. Non ? Tu as été parfait. Un mot de basket. Alors, c'était léger ce week-end, puisqu'il n'y avait que la Leaders Cup à Disneyland Paris. Et victoire de Strasbourg, qui s'est imposée en finale hier, 98-97. Contre Bourg-en-Bresse. Belle finale, hein. Un petit point seulement. Et Strasbourg s'était qualifié d'abord en battant Limoges en demi-finale, alors que Bourg-en-Bresse avait battu Levallois dans l'autre demi. Tout s'est joué seul ce week-end. Donc sur un week-end à Disney. Et je crois que la Leaders Cup, parce que je ne sais pas si vous avez suivi la Leaders Cup de la Pro B, non, qui se jouait juste avant. Désolé. Ou d'ailleurs Orléans avait perdu en demi-finale. Ils ont perdu l'année passée en finale. Ils ont perdu l'an dernier, cette année, en demi-finale. Et c'est Rouen qui a gagné encore cette année. Comme l'an passé d'ailleurs. Ils ont gagné deux titres consécutifs. Après Orléans l'an passé, ils ont gagné de nouveau face à Rouen cette année. Donc Rouen qui s'est imposé dans la Leaders Cup Pro B et Strasbourg dans la Leaders Cup Pro A. La saison va reprendre donc en Jeep Elite. Et là aussi, on a changé de nom. On n'est plus en proie dans Jeep Elite maintenant. Ouais. Et ouais. Alors, pas tout de suite, parce qu'il y aura une petite coupure déjà, mais retour le 1er mars. Et puis en Pro B, où ça se passe pas mal pour Orléans, quand même, faut le dire. Ça se passe plus mal pour Blois. Ça se passe plus mal pour Blois, c'est ce qu'elle veut dire. Orléans qui reste sur une victoire. Et c'est en 3e, à égalité avec Nancy et Vichy. Et Arwan qui a un petit match d'avance, une victoire d'avance. C'est quand même tous les anciens clubs qui étaient en Pro A. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est vrai que c'est. Il y a le yo-yo qui se fait. On espère qu'Orléans vont remonter quand même l'année prochaine. Là aussi, retour le 1er mars et déplacement à Aix qui est 16e. Ouais, mais Orléans, on est capable de tout gagner, de tout perdre. Bah, c'est un peu le problème. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de match, parce qu'il y a peut-être de la coupe. Dans la coupe, ça s'est joué la semaine dernière d'ailleurs, mais je sais pas, il y a juste une coupure là, toujours après la Leaders Cup. Qualification de Monaco, la Strasbourg c'est fini, battu par l'Asvel, Antibes est passé, Dijon, Levallois, Nanterre, Le Mans et Rouen. Le tirage n'est pas encore fait pour les Rouen qui a battu, n'est-ce pas ? Un club de l'Est peut-être ? Oui. Mais je ne saurais pas prononcer, j'ai déjà pas réussi la semaine dernière. Souffelweyersheim. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. J'aurais pas fait mieux. Souffelweyersheim, j'aurais dit. Oh. Ah. Enfin, pas mieux, je pense. Ouais. Donc, ça, heureusement, ils sont plus là en quart. On aura pu aller. J'aurais pu le dire. Donc, voilà, les qualifiés pour les quarts, qui rage un peu plus tard. Et puis, pareil, dans les coupes, ça va reprendre aussi, puisqu'il y avait une micro-coupure après ce week-end. C'est marrant, t'as pas regardé en Euroleague. Bah, chez les hommes, non, mais chez les femmes, on peut regarder. Oui, chez les hommes, ça va être vite fait. Chez les hommes, on n'y est jamais. Hein. Non. C'est, pourquoi ? On n'est pas bon ? On n'est pas assez fort ? Je pense. Chez les femmes, c'est pas brillant, hormis pour Bourges. Ouais, comme d'hab. Mais Villeneuve-d'Ascq et Charleville, c'est pas ça. Il reste encore quelques matchs avant la fin de la phase de poule. Bah, c'est ce week-end, ça se termine cette semaine. Et d'ailleurs les deux se rencontrent, Villeneuve-d'Ascq face à Bourges. Et donc en Eurocoupe, c'est les quarts de finale déjà. Et on a donc les matchs qui ont lieu début mars, on en a parlé déjà. L'Asvel qui est qualifié pour les quarts de finale seulement. Un match, un club qui est qualifié. Et en Ligue des Champions. Là on y est, mais c'est la troisième division. Alors. Ouais. Et c'est Le Mans qui est qualifié. Ainsi que Nanterre, merci. Ça ce sera aussi début mars. Et avant il y avait la tu te rappelles de la. En fait, la retrouver, la FIBA Europe Cup. Ah ouais, qui s'est arrêtée. Mais en fait, il y avait 4 coupes l'an dernier. C'était lourd. C'est comme le trophée européen en rugby, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait la Coupe d'Europe. Ouais. Bah d'ailleurs, du rugby, tout de suite. Tu veux qu'on pleure ou. C'est bon, il n'y avait pas de destination ce week-end. Ouais, on n'a pas perdu. c'était une trêve de top 14. Avec quelques rencontres. Que des matchs extérieurs gagnés quasiment. Bah ouais, c'est rare, mais c'est le cas cette année, ce week-end. Deux victoires à domicile seulement. Clermont face à Bordeaux, 40 à 20. Agen qui a battu Toulon, 19 à 10. Ensuite, bravo Agen. Deux les autres à l'extérieur, Castres a battu Pau, Perpignan a battu Montpellier, Lyon a battu Stade Français. Et hier, La Rochelle a battu Grenoble. Et enfin, Toulouse a battu le Racing dans le match de la fin d'après-midi. Il n'y a pas le RCO ? Le RCO, non, pas là, non. Pas à ce niveau-là. Toulouse, 58 points, Clermont, 56. Après, il y a un petit écart avec La Rochelle, 3ème, 51, Lyon, Bordeaux-Bègles, Stade Français, Toulon, 11ème. Ouais, c'est chaud. Avec 28 points. Et ils sont pas loin du. Ils ont 7 points d'avance avec la relégation. Ouais, mais Perpignan, ils sautent descendre et après, il reste un dernier. Avec Perpignan, une victoire. Ah, ils ont gagné quand même. J'ai pas vu quand est-ce qu'ils avaient gagné. Ils ont peut-être gagné contre Toulon, non ? Ah non, Montpellier, ils ont battu 28-10. Ah, c'est la première victoire de la saison, j'en ai même pas parlé. Ah. Donc, voilà. Ça, je l'ai même pas vu alors qu'ils avaient pas gagné un match et ils avaient pas pris un seul point de. Ouais. Si, ils ont quand même pris des points de bonus. C'était dur. Hein. Ouais. Ben voilà. C'est victoire. En plus, à l'extérieur. Contre Montpellier, on aurait pas. Ils sont sur une lancée et ils vont tout gagner. Ils vont se sauver. Ce week-end, bah, c'est quoi ? C'est le retour du tournoi. Destination ? J'y vais. Je vais voir France-Galles. France-Écosse. Non. C'est. Je suis dans le stade. J'ai voulu y aller, mais j'ai voulu prendre une place il y a deux semaines, mais c'était trop cher déjà. Ouais, je vais regarder, je vais chanter The Flower of Scotland. J'y vais que pour ça. Et puis il y aura en plus une journée de top 14. Ça, enfin, c'est magique, ça c'est énorme. Jusque-là, il n'y en avait pas eu, mais là, ça y est, ça se double. Donc évidemment, les matchs, ils vont être faussés complètement. Ça, on en a l'habitude. N'importe quoi. Et le match, donc France-Écosse, au Stade de France, il y avait deux matchs à domicile cette année. Ouais. C'est samedi. C'est con, on a déjà perdu. Ouais, 15h15. Pas pourquoi, je sais pas pourquoi on a 15h15, mais c'est 15h15. Et c'est face à l'Écosse. Et si on perdait contre l'Italie cette année ? Est-ce qu'on pourrait accueillir du bois cette année ? Ils sont en train de parler, là, j'ai écouté sur RMC. Bah, ils sont forts. Hein. Ils sont en train de parler de mettre un entraîneur étranger ou de mettre Galtier déjà. Ils sont déjà en train de prévoir de mettre Galtier. Je crois qu'il n'ira pas en Coupe du Monde, notre ami. Bah, lui, il est pour rien, le pauvre. Hein. Non, mais je sais, mais tu sais comment ça se passe. Parce que déjà, ils ont viré Guinoves, qui pour moi est top. Bah oui. Peut-être que ça ne marchait pas, mais parce qu'ils s'entendaient pas avec la porte. Alors... C'est vrai que. Ah, donc là, tu nous mets vraiment les résultats du RCO ? Bah, bien sûr. Bah, hey, quand même, c'est le club du. Quel Bulgarie ? Je sais pas, ils sont plus forts que Pithiviers ou. Bah, ils sont un cran dessus en termes de niveau. D'accord, je savais pas, je sais pas du tout. C'est vrai ? Non, les RCO, bah tiens, voilà, ils ont gagné hier. Bien joué à Castelroussin. Voilà. 40 à 19, qu'est-ce que tu dis de ça ? Et ça, je pense que c'est Châteauroux, non ? Ouais, c'est la région de Châteauroux en tout cas, ouais. Je sais pas exactement si c'est Châteauroux. Et alors, du coup, ils sont combien en classement ? Ils sont que 7ème, mais. Ah. Mais ils sont playoffables. Je sais pas si on peut le dire non plus. Mais... C'est les 8 ? Je crois que c'est les 6 ou 8. Ouais. Les 6, non ? Mais les 6, on n'est pas très très loin. Il reste pas mal de matchs. C'est quel niveau ? Deuxième division fédérale. C'est 4ème division, quoi. Ouais, c'est ça. 4ème div. Mais c'est dur, hein, le RCO. Enfin, c'est dur, le. Le rugby. Oui. Prochain match. Le 3 mars. Réception de l'association Rugby Club du pays de Saint-Yrieix. Au-dessus, il y a un match. Ouais, mais c'est la semaine d'après. Ah, ouais, 17 mars, c'est bizarre. Ouais, j'aime bien jouer, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. C'est aléatoire. D'ailleurs, il y a 16ème journée et 18ème, mais. Et avant, il y a le 10 mars. Il n'y avait pas 17ème journée. Si, elle est en dessous. Elle est là. Non, non, 19, bah, le 10 mars. Ouais, mais 16, 18, 19, il n'y a pas de 17ème journée en fait. D'accord. Enfin, ils viennent de la jouer, je crois. D'accord, ouais, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, c'est. C'est comme en foot, en district, tu joues la dernière journée. La dernière journée, c'est la première journée de retour en fait. Tu es censé jouer au premier journée de retour, puis à jouer enfin. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà, en tout cas. Ce sera la, on peut quand même donner le nom qui est très très long. Hein. Association Rugby Club du pays de Saint-Yrieix. Mais c'est pas dans le sud-est ça. Certainement. Mais tu m'en demandes un peu trop là. Tu vois. Je sais pas, moi je. Saint-Yrieix, ça ne me dit rien du tout. Mais peut-être. Bon, c'est pas grave. On n'ira pas les voir. Ah, ça fait loin. Hein. Non, le RCO. Ça fait moins loin. Ah oui. Ça fait moins loin. Ouais, non. Mais tu iras quand même pas les voir. Et écoute, on a reçu en début de saison quand même l'un des dirigeants du RCO. Donc on soutient quand même. Oui, oui, non, mais je. Mais c'est dur. Ils sont entraînés en plus par un collègue à nous. Ah bah voilà, tu vois. Par Jimmy Belloué. Donc on y croit à France-Écosse ? Non, pas trop. Difficilement. Si, on y croit. Il faut quand même gagner un match. Et puis il y aura, ça va mieux, c'est les féminines qui joueront aussi face à l'Écosse. Samedi. Bah là pour le coup, soir, on est fort. Hein. À 21h. Enfin, ouais. On a quand même pris une pilule. On a pris une tôle contre l'Angleterre, mais on a gagné, on a mis une tôle aux Galloises. On a peut-être plus de chances de s'imposer en, sur les 6 nations. Ouais, l'Écosse a peut-être gagné quand même. Oui. L'Italie est deuxième quand même hein, chez les filles. Ouais, ça n'a rien à voir. Et puis on, je ne l'ai pas ici, mais on est pas mal aussi chez les espoirs. On a pris aussi contre l'Angleterre une défaite. Mais. Enfin, contre les Anglais, on n'a pas existé. Hein. J'ai vu 20 minutes du match, ah, je me suis demandé ce qu'on faisait sur le terrain. Qatar. C'est une Qatar ce match. Enfin. Alors que c'était pas si mal contre le Pays de Galles. Bah, la première mi-temps. Ouais. C'est bizarre. En fait, il faudra jouer une mi-temps. Ouais. Avec le 15 de France. C'est un peu chiant. Bah, ouais. C'est 80 minutes un match, malheureusement. Très bien, bah, le rugby, on verra en tout cas. Bah, on espère que. Au moins, on pourra prendre un point de bonus. Ou pas. Voilà pour le rugby. Est-ce que vous suivez un peu la NBA? Un tout petit peu, moins. Ah, beaucoup. Ça donnait moins quoi cette nuit? Il y a t'as regardé? Il y a pas le All-Star Game en ce moment? Déjà? C'est pas passé encore, si? Bah, c'est bientôt, hein. Je sais pas si c'est passé, mais. Je t'avouerai que je sais pas si c'est passé encore. All-Star Game, Curry, un gros dîner chevet. Ah non, c'est qu'il y sera pas. Ah ouais, il y est pas. Ah non! Ah non, c'est passé! Non? Ah, tu vois! Bah, j'ai même pas regardé. Si, mais j'ai entendu qu'ils avaient fait un concours énorme à 3 points. Ah oui, si, t'as raison, c'est passé. Un concours à 3 points hors du commun avec 27 shoots réussis. Tiens, ah ouais? Regarde là. Tu vois Harris? Ouais. Qui a battu Steph Curry? Ouais, et apparemment le concours était énorme. Ils ont mis 28 points et 27 points sur 30 possibles, un truc comme ça, je crois. D'accord. Faut regarder, mais. 26 points final. Ah ouais! 5 derniers. Ah oui, d'accord. Ok, bah je savais pas. Du coup, j'ai pas suivi. Il a mis 12 paniers de suite en début de finale. Ah, donc il était bien parti pour. Les mecs, c'est les machines. Ah oui, donc c'est. Qui a gagné du coup? Eh ben, ça doit être. C'est l'Est, ça, non? Ah, mais ça marche plus comme ça, je crois. Ça marche avec des capitaines d'équipe qui choisissent. Ah oui, la team LeBron James a battu l'équipe de Giannis. Voilà. Antetokounmpo, c'est ça? Ouais, c'est le grec. Ouais, c'est ça. Et en fait, maintenant, le public élit deux capitaines qui font leur équipe autour, je crois. Oui, c'est plus Est et Ouest. Ouais. Il fallait qu'il change un peu, je crois. Et LeBron James a battu, donc son collègue. 178, c'est pas un record, ça? Ouais, je sais pas. 64? Faudrait qu'il défende un peu. Enfin, ça gagne, je crois que ça monte, non? C'est moi qui me. Ah, ils ont été menés jusqu'à 20 points quand même, l'équipe de LeBron, mais ils ont gagné finalement. Non, ça ne doit et pas être encore. Qui a été élu MVP? LeBron James, je suppose. Et ah, bah. Non, vas-y, remonte, tu l'as. Tu l'avais? J'ai pas vu. Ouais, c'est Durant. Kevin Durant. Ce dernier était logiquement la deuxième fois. Bon, bah écoute. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est. Bah écoute, c'est le ouais bon, c'est sympa, mais c'est le folklore de NBA. 3 matchs cette nuit, victoire d'Orlando face à Charlotte, c'est une petite surprise. New York Knicks a battu Atlanta et Nouvelle-Orléans battu Oklahoma City. Ça bouge pas beaucoup dans les classements. Hein. À l'est, c'est Milwaukee qui est en tête. Et l'ouest, c'est les Warriors, il me semble. Si ça a pas changé, ouais, c'est toujours ça. Ouais, et du coup, ils sont combien, Charlotte? Ils sont en playoff ou pas? Charlotte. Ils sont, septième pour le moment et il reste encore quelques matchs. Hein. Il y a deux Français quand même là. Oui, c'est vrai, c'est bien de le dire. Avec Tony Parker qui fait une grosse saison. Ouais, il fait une belle saison, ouais. Et il démarre jusqu'au 11 avril, hein, donc il y a encore lui. Les mecs, ils jouent 82 matchs dans la saison. C'est fou, hein. Vous parlez du sport spectacle. Ah bah là, pour le coup, en NBA, c'est vraiment du sport spectacle. Bah, y a que ça. Les mecs, ils défendent plus. Cette nuit, quelques matchs. Enfin, juste au milieu. Les Milwaukee, donc leader, va recevoir Boston. Les Warriors vont recevoir Sacramento. C'est tard, 2h, 4h30. Tu seras debout. Ouais, bien sûr. Et les Lakers vont recevoir les Rockets de Houston. Bon, quelques matchs de la nuit. Très bien. Avant de parler de foot, un petit mot de tennis. Vous avez regardé ce week-end le retour de Gaël Monfils. Ah, parce qu'il joue encore. Ouais. Et ouais. Il a gagné un tournoi. Qui ça? Gaël Monfils. Il a battu Stan Wawrinka en finale du tournoi de Montpellier. Il faisait quoi, un match de retraité? Parce que Wawrinka, il a quel âge aussi? Ouais, mais il revient parce qu'il était. Ah, c'était à tennis. Enfin, Montpellier à Rotterdam, pardon. Montpellier, c'était la semaine d'avant. Où son gars avait gagné d'ailleurs. Mais non, Rotterdam. Donc victoire de Monfils en 3 manches. Ouais, et puis il y avait Raonic aussi. Il y avait un beau tableau. 6-3, 1-6, 6-2. En plus, qui avait quand même battu Medvedev. en demi-finale, qui est quand même pas, qui est quand même pas mauvais. Il y avait Chapeau Malof, il y avait Wawrinka. T'as pas dit le mec qui l'a battu avant aussi. C'était Zemmour, ouais, c'est moins fort déjà. Wawrinka qui a battu Nishikori comme en demi-finale, qui était la tête de série numéro 1. C'est pas mal. Wawrinka, il a battu tout le monde en fait. Ouais, ouais. Il a battu Raonic, Chapeau Malof et Nishikori, c'est pas mal quand même. Bah, il a fait un gros parcours, mais il n'a pas gagné le match qu'il fallait gagner. Ouais, mais également, fils ne gagnera jamais non plus de gros tournois, donc c'est pas grave. C'est un ATP 500, ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas ouf. C'était quand même Roger Federer tenant du titre, hein, l'an passé. Ouais, c'est le moment où il était repassé numéro 1 mondial. Bon, après, il n'est pas venu cette année, ouais, on comprend pourquoi. Thomas Cherbourg, c'est cool. Thomas de Cherbourg, ça. J'avais peur de le rater. Hugo Humbert qui a gagné. Et tu sais que ça c'est l'équivalent de l'Open d'Orléans, ça. C'est vrai? Cherbourg. Enfin, dans la catégorie challenger, après. Parce que je vois surtout la somme qu'il a gagné à côté. Hein. Oui. Ah bah c'est sûr, ça, on est loin des 2 millions de Rotterdam. Non, bah même 54 000. Hein. Oui. Ça, c'est pas pour le vainqueur, c'est la dotation totale. Hein. Ah bon? Ah, ça, c'est bon. Enfin, il prend combien le vainqueur? Ah, je sais. Il prend bien 10. Peut-être un peu. Je sais pas combien il prend. Ouais, peut-être pas loin, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça commence à être correct. Hein. Oui, non, bah, c'est sûr. Challenger, c'est là qu'on commence à être quand même pas mal. Hein. Cette semaine, il y a deux tournois principaux à Rio. C'est sur terre battue, Dominic Thiem. Et en numéro 2, c'est Fodini. En fait, les pays, il n'y a que des pays. Argentine, Espagne, Italie. D'Argentin, d'Uruguayen, ouais. Il n'y a pas de Français à Rio cette semaine. Mais ils n'ont pas envie d'aller. Mauvais souvenir. Non, ouais. Et, en revanche, à Marseille, il y en aura beaucoup plus. C'est Tsitsipas, le grec, qui est numéro, tête de série numéro 1. Il y a Gaël Monfils, Benoît Paire, Jérémy Chardy, Gilles Simon, qui est qualifié pour le deuxième tour d'ailleurs. Toujours le levé de son gars. Il y a Chapeau Malof, qui est là aussi. Il y a Humbert, qui vient de s'imposer. Et il y a Coric, en tête de série. C'est un gros tournoi là. Enfin, c'est un beau tableau. Même si c'est pas. Voilà. C'est qu'un ATP 250. Ah, c'est un ATP 250. Ouais, quand même. Marseille, c'est un gros tournoi. Mais... Et puis la semaine prochaine. Et bien ce sera Dubaï. Voilà, on en a parlé tout à l'heure de. Et Acapulco, Qatar. Apparemment. Hein? Alors je comprends pas pourquoi Acapulco et Dubaï sont classés pareil, mais il n'y a pas la même dotation. Ouais, en fait, pour être à 500, tu as un minimum de dotation, mais tu perds des écarts. Hein. D'accord. Et là, il y aura tout le monde. Il y aura Roger Federer, Novak Djokovic, peut-être Rafa Nadal. Enfin, il y aura le goal, il y aura les cadors du circuit. C'est normal, c'est à Dubaï. Ouais. Ça fait plus rêver Dubaï que Marseille. C'est. Ouais, désolé. C'est vrai. Ah, ouais, après en France, c'est pas mal Marseille. Oui, oui, non, mais. Mais oui, c'est vrai, quand tu regardes bon, ouais. Dubaï, et c'est pas la même chose. Yann Monfils a pris 10 places, il est 23ème, il est numéro 2 français. Un petit peu de retard sur Lucas Pouille, mais il remonte bien. Alors, ça, on disait des trucs illisibles. Alors, ça, pour le coup, l'ATP. Ah oui. Oh, ça, c'est un truc. S'il y a bien un truc qui est compliqué, qui est imbuvable, c'est ça. Les mecs, ça se remet jamais à zéro. Ils gagnent des points, ils en perdent de l'année d'avant. C'est pas les mêmes. Tu défends tes points de l'année passée, ouais. Il y a la race, par contre, qui est le vrai classement. Ouais, voilà, mais en fait, du coup, tu t'en rends jamais compte de la race parce que tu la vois jamais. Tu la vois jamais, la race. J'avoue que c'est compliqué. On parlait de l'AT qui est compliqué à comprendre, mais ça, c'est pareil. Et tiens, dans le top 10, il y a un changement. C'est Roger Federer qui repère une place. 7ème pour la plate pour Kei Nishikori qui reprend sa place. C'est la fin, j'ai fait Federer, c'est la fin. Je pense que malheureusement c'est peut-être sa dernière saison. Il fera peut-être les jeux. J'espère qu'il fera les jeux. Je crois que c'est son objectif parce que c'est le seul titre qui lui manque. Mais après, il va à Roland cette année. C'est bizarre, il n'y va plus. Donc est-ce que ça veut dire tournée d'adieu? Je sais pas. En tout cas, Djoko énorme. Djoko, ouais. Djoko grand chelem cette année. Si on parlait en début de, après l'Open d'Australie, il est sur une lancée de grand chelem. Ouais, il gagne tout là. C'est jamais arrivé. Hein. Enfin, mais il a mis tôt la Nadal en finale. Ouais. Ouais, c'est vrai que s'il joue comme ça toute la saison, je vois pas qui pourrait empêcher de faire le grand chelem. Après, sur un match, tu peux te faire avoir. Hein. Sur terre battue, est-ce que Nadal va pas l'empêcher de gagner? Nadal, il va se blesser. C'est vrai qu'il est beaucoup blessé en ce moment. Très bien, on va voir. Et puis, on finit avec le foot. Ah, voilà, ça va te plaire, ça. Ouais. Un petit tour de ce qui s'est passé à l'étranger. Vous avez suivi un peu en Allemagne Non, pas trop. Non. Vous avez pas vu Je savais même pas que le Bayern n'était pas premier, tu vois. Donc. C'est vrai. Bah, ils ont peut-être leur dernier, parce qu'ils ont gagné vendredi soir à Augsbourg. Pendant que tout à l'heure, Dortmund a fait 0-0, on a vécu à Nuremberg. Et du coup, Ribéry, on en parle, c'est bientôt fini pour lui aussi. Hein. La saison, là, la carrière même. Oh, il va repartir, ouais. Il va repartir à l'Est, non? Il va pas aller jouer en Turquie ou... Tu crois qu'il va continuer? Peut-être. Ouais, peut-être finir aux États-Unis. Ouais. Un doublé pour Kingsley Coman quand même. Leipzig a gagné à Stuttgart. Et enfin, un match nul de Borussia Mönchengladbach à Francfort. T'es vachement meilleur en allemand. T'as vu? Pourtant, j'ai fait LV2 espagnol, mais bon. Dortmund, on reste bien, mais t'as vu? 3 points de retard maintenant pour le Bayern seulement. Ça s'est resserré. Borussia 3ème, Leipzig et Leverkusen. On parle pas du championnat allemand, mais des belles équipes hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah après, bon, principalement tout en Ligue des Champions, c'est là. Ouais, bon, mais franchement, Leverkusen, Wolfsburg, ça c'est des clubs européens. Hein, Francfort, Fenheim. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On le dit pas assez souvent, ça mais. C'est largement championnat de France. Hein. C'est même plus fort, non? On est bien d'accord. Ouais, bah, oui, pour moi aussi. Hein. Je pense, hein. Ouais. Enfin, sans être. L'Italie, ça remonte bien aussi. Ouais, c'est mieux. Il y a eu un creux et ça va mieux. La Juve a battu Frosinone, 19ème de championnat, 3-0, avec, je crois, but de Cristiano Ronaldo, Dybala et Bonucci. Ouais, c'est. On en parle moins de Ronaldo. Ouais, mais il marque quand même. Ouais. Milan AC a battu Bergame 3-1 samedi. La Lazio a été battue par le Genoa 2-1 et ils m'ont fait perdre 10 euros aussi. Merci la Lazio, j'y croyais. Enfin là, par contre, le championnat italien, ça fait quand même un moment que ça a toujours été les trois pour les deux mêmes premiers. Ouais, c'est vrai. Naples et la Juve. L'Inter a battu la Gênes 2-1 et puis le Napoli a fait 0-2 face au Torino et là aussi, j'ai perdu du pognon. Merci le Napoli. T'as assez avec ta paye parce que. Ah, mais là, c'est incroyable. Rien qui est passé. Naples. Entre Torino, mais non. Mais je me souviens que quand on faisait les paris déjà entre nous, c'était pas très bon. Non, mais je crois que j'arrête. La Roma et s'est imposée enfin tout à l'heure face à Bologne 2-1. Le classement donc de cette Serie A, la Juve, c'est le dernier club invaincu en Europe quand même. Ouais, bon, après. Avec 66 points et je crois qu'ils sont sur une lancée des 100 points. Ils sont pas loin là. Ils ont fait que 3 nuls. Ils doivent se faire chier. C'est vrai que ça va être chiant. Mais là, bon, là, ils ont tout le temps de se. C'est pire que le PSG, là. Ils sont tout le temps de se consacrer à Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai, mais bon. Ils ont pas d'excuses, là. 66 points, Naples 53, l'Inter 46, 4ème la Roma, le Milan C, 5ème la Roma, 6ème Bergame, 7ème la Lazio. C'est vrai qu'on retrouve quand même les gros clubs. Hein. Là, cette année, en haut, c'est quand même du logique. Hein. Kyo et Ron, dernier, 9 points. Ça va être dur pour eux. L'Espagne, à la Liga. Oh là, ils ont perdu encore le Real. Et ouais, le Real a perdu à domicile face à Rayron qui est 17ème. Ah, c'est quand même moins facile quand il n'y a pas Cristiano. Hein. Bah ouais. C'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu en dents de scie, hein. C'est bon tout ouais, moyen. Puis Benzema, c'est pas Ronaldo. Hein. Casemiro qui marque pour. Qui avait ouvert le score hein, pourtant pour le Real. Ils ont pris un petit rouge. On voit Benzema qui s'énerve là encore. Ramos qui a pris un rouge. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est pour changer. Il a pris un rouge à 64e et 90. S'il pouvait moins jouer, lui. Ouais. Le Barça en a profité pour s'imposer face à Valladolid, mais un petit Barça hein, qui a battu 1-0. Un but de Messi sur pénalty. Messi qui a arrêté un autre pénalty d'ailleurs en fin de match. C'est un petit Messi et un petit Barça hein, qui a gagné. Ouais, mais. C'est bon pour nous. Bah oui, j'espère. Ouais, après. On va en parler après de ce match, mais j'espère. Et puis l'Atletico, qui m'avait fait gagner à ce moment-là un peu, mais. J'ai perdu derrière. C'est l'Atlético qui bat le Rayo Vallecano 1-0. Griezmann. Mais... C'est quoi cette moustache là? Ouais, je sais pas ce qu'il nous fait comme look en ce moment, Griezmann. Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est salé, je crois. Il essaye tout ce qui passe, lui. Bah, tu veux qu'on en parle de toi? Je suis un peu moins connu quand même. C'est vrai, c'est vrai. Attends, au niveau local quand même. Oh bah oui. Le Barça est leader 54 points, l'Atlético 2ème 47, le Real 3ème 45, Séville est déjà loin derrière avec 37 points, 4ème. Et on va bientôt vivre le 2ème classico de la saison. Puisqu'il y en aura en fait 4 en tout. Il y en a eu un début de saison, bien sûr. Il y a eu le premier match aller de Coupe du Roi. Un partout, et le deuxième sera la semaine prochaine, le 27. Real recevra le Barça, il y a eu un partout à l'aller. Et puis début mars, il y aura le match retour du championnat. On est gâté cette année en classico. Et on finit avec le plus beau championnat du monde, la première ligue. La Ligue 1. Vous êtes d'accord? La Ligue 1. Tu Ouais. Non, je sais pas. Et pas la Ligue 1. Il n'y a pas que le foot dans la Ligue 1. Il y a aussi la Ligue 1. Il n'y avait pas de match ce week-end puisque c'était la Cup. La Coupe d'Angleterre. Là, on a vu tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'était le cinquième tour, c'est d'ailleurs les huitièmes de finale. Qualification de Watford qui a battu les Queen's Park Rangers 1-0. Brighton a battu Derby County 2-1. Millwall qui a battu Wimbledon. Ah, c'est pas du tennis, hein. C'est bien du foot. 1-0. City est passé face à Newport County 4-1. Wolverhampton qualifié, Crystal Palace, Swansea. Et tout à l'heure, United a battu Chelsea 2-0. Et du coup, il n'y aura pas de replay parce qu'il n'y a pas eu de match nul. Vous savez qu'en en cup, quand il y a des matchs nuls, on rejoue un match. Pas en quart, mais avant jusqu'en quart, mais après les quarts, non. Et donc, les quarts de finale, tirage au sort effectué. Wolverhampton face à United, Watford, Crystal Palace, Swansea City. Ah, Swansea City contre Manchester City, pardon. Et Millwall, Brighton. Ouais, là, il y en a quand même deux qui se dégagent. Hein. Les deux Manchester. S'ils se rencontrent pas en finale, ouais, ou en demi, si le tirage n'est pas favorable, c'est qu'il y a un problème, non? Ouais, il n'y a pas grand chose cette année. Hein. Pas grand chose. Donc, ça, ce sera le 16 mars, et, enfin, le 16 et 17 mars prochain, pour les demi-quarts de finale de cette Cup. Et en championnat, du coup, il y a les matchs qui vont se jouer ce week-end. Un seul match qui avait été avancé début février, c'est City qui avait battu Everton 2-0. Mais sinon. Et les autres matchs seront ce week-end. Il y a un petit United-Liverpool. Et oui, tu fais bien de le dire, United-Liverpool, c'est dimanche après-midi à 15h. C'est vrai. Pas mal, ça. Je sais pas pourquoi il y a Chelsea-Brighton. Brighton, c'est pas du tout en première ligue, mais je sais pas, ils ont dû faire une erreur. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le dire. City et Liverpool sont à égalité. Hein. Mais Liverpool a un match de retard. C'est vrai. Et puis, Tottenham peut peut-être rentrer dans la course, non? Au titre. Ouais. Même si ils ont 5 points de retard. Hein. Chelsea, ils sont à l'ouest. Hein. Ouais. Il faut y aller sur deux. Chelsea, Arsenal, United. United, ils sont bien revenus. Hein. Je crois qu'ils étaient 10e à la mi-saison. Ouais, puis ça va continuer. Hein. De gagner? Ouais. Tu crois qu'ils pourront... ouais, ils peuvent faire monter 3e quand même. Mais là, s'ils battent Liverpool, déjà, ils sont à 54. Ouais. Ils sont sur une belle série quand même. Ils sont sur 5 matchs en effet. Je crois qu'il y a des victoires avant. Ils n'ont pas montré, mais je crois qu'ils ont gagné 4 ou 5 matchs d'affilée. Ouais. Ouais, il n'a pas perdu un match encore, ça le dire, à part le match du PSG. Il va peut-être rester. Hein. Bon, il va rester. Pas que tout, en championnat, ils n'ont pas perdu depuis un petit moment. Non, j'ai regardé à l'envers. Là, ils sont Ah ouais, ah oui. Sacrée série. 1, 2, 3, 4. Il y a la Cup 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 matchs en défaite. Dont 8 victoires et 2 nuls. Ah oui, c'est pas mal. Non, mais. Après, il y a la défaite contre Paris. Mais ils ont mis 2 là. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon. Et finissons en France. Ah. Avec la Ligue 2 d'abord. Ah. Un mot pour Tony. C'est un but important, c'est Orléans qui a battu Château. 2-1. Ils étaient bien partis. Orléans, ils étaient bien partis pour un moment. Ouais. C'est vrai. Puis après. Ça a chuté un peu. Voilà. 2-1, victoire d'Orléans, malgré l'expulsion de Monfray à l'heure de jeu. Ils ont tenu, ils ont pris un but, mais ils n'ont pas pris le deuxième, et ça fait une victoire qui est importante. Brest, le Dauphin, fait un partout à Gazélec. Tout à l'heure, Metz a battu Béziers 1-0. Ah, mais c'est fort. Lorient a battu le Red Star 2-1 pour le podium, en tout cas. Le classement, donc Metz. 53, Brest 50, Lorient 46, Paris FC 43, Lens 42. Après, il y a un écart quand même. Relais 11e, 34. Allez, il reste 2 victoires et. Bah, c'est 40 points pour se maintenir à peu près. À la louche. 40, okay. 41, 42, ça dépend des saisons. Mais oui, à 40 points, t'es quand même pas mal. Donc il reste 12-13 journées. Bon, normalement, il faut gagner 2 fois. Il faut prendre 6 points, quoi. En bas, c'est serré, mais c'est pas fini. Béziers, Nancy, Red Star 20 et 18 points. Rien n'est joué dans cette Ligue 2. Prochain match, 26e journée. Orléans recevra Sochaux. Pardon. C'est comme Soch, c'est dire à dire. C'est Soch, c'est ça. C'est à 20h au stade de la Source, Sochaux, qui est 17e. Ce serait bien de gagner, quoi. Face à Sochaux. Allez-y, ça match, les gars. C'est moi, j'hésitais. Je savais pas ce que je faisais pas. Encore. N'hésitez pas, c'est le rendez-vous du week-end, je vous le dis. Et enfin, avant de parler de Ligue 1, C'est quoi ça? Le SMS qui bouleverse la SSE. Ah, j'avais pas vu ça. Ah d'accord, okay. Apparemment, il y a Saint-Étienne, ça va mal. Avant de parler de Ligue 1, vous savez que... Ah, tu trouves que la Ligue 1, c'est plus important que la Ligue des Champions? C'est chronologiquement, c'est la Ligue des Champions qui s'est jouée avant. D'accord. C'est vrai que c'est moins important, mais... et puis un petit mot aussi, vous savez que l'USO est en quart de finale de la Coupe de France, quand même. Ah, j'ai eu peur. Tu croyais qu'ils étaient en quart de finale avec des champions? Je croyais que j'avais raté un truc. Non, mais alors, ce sera bien, peut-être un jour. Changer de stade. Hein. Ouais, ah oui. Et le match, ce sera la semaine prochaine. Déplacement à Rennes. Ils ont fait deux belles coupes cette année. Hein. Ouais, c'est dommage que. Ce soit encore un déplacement. Déjà à Metz, ça peut passer, hein? Non? Rennes, c'est pas mal en ce moment. C'est que ça tourne bien. Après, sur un match. Sur un match, c'est ça. Je trouve que quand c'est comme ça, il devrait mettre toujours le plus petit. Ouais, le plus petit à domicile. Rennes, ils vont pas faire plus de rentrée d'argent que ça. En fait, c'est que pour que ce soit le plus petit qui reçoive, c'est deux divisions d'écart. Ouais, je suis d'accord, mais même quand c'est là. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, Orléans, il y a combien de places à Orléans? L'autre fois pour le PSG, il y avait 6000. Ouais, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça fait quand même rentrer de l'argent dans les caisses des petits clubs. 7000 peut-être. Mmh. Il y a une tribune supplémentaire, mais bon. Après, je crois qu'ils doivent diviser les. Ah, tu penses qu'ils divisent les recettes? Ouais, quand tu te déplaces, pour les petits clubs, ils reversent une partie. Hein. Bon. Elles sont pas obligées. Ah. Mais souvent, c'est que les Bretons sont un peu radins. T'es breton? En partie. Ah. Ah bon? Ah bon? Et ouais. Ah merde. Tu sais. Ah merde. Non, désolé. Je mangerai très peu. Bon, ce sera la semaine prochaine. Ouais. Puis après peut-être une demi-finale face à Paris encore. Ah, ce serait magique. Ça serait beau, hein. Ah, ce serait magique. J'en ai pas dormi de la nuit pendant le match. Tu l'as vu? Non. Non. T'aurais pu, hein. Ni là-bas, ni télé. Non. C'était pas mal pourtant. Désolé. Il paraît que c'était pas mal. Ils ont failli marquer. Il paraît que Rennes, ils ont joué contre Saint-Privé. Il paraît que c'était pas mal aussi. Ouais, ils ont eu des occasions Saint-Privé. Non, après ils n'ont pas marqué, mais. Saint-Privé Orléans en quart de finale, ça aurait été énorme quand même. Ouais. C'est vrai que ça aurait fait un club en demi. Bon. Bah tant pis. C'est pas grave. La Ligue 1. Vendredi. D'abord, on a Nîmes qui a battu Dijon 2-0. Et surtout, c'est Lyon qui a battu Guingamp 2-1. Et puis le PSG, Marseille qui a quand même gagné un match. Bah, ouais. Arrête, ça fait 3 de suite. Troisième victoire. Alors pour Lyon, ça a été compliqué. Plus compliqué que ça en arrière. On présente que 2-1. Mais non, en fait, c'était compliqué pour Lyon. Ils ont gagné 2-1. Mais ça n'a pas été simple. Il faut le savoir contre Guingamp, hein, qui est dernier. C'est pas la meilleure préparation possible avant le match du Barça demain soir. Ah, moi, ça m'embête si Guingamp descend. Si Guingamp descend, ils sont mal partis. Ouais, quand même. J'aime bien. Mal engagé là. Ah ouais, c'est dur. Et Marseille, ouais, ils ont encore gagné. 3 matchs de suite face à Amiens. Et au final, ils étaient. Tout le monde les annonçait vachement nuls. Et ils sont à quelques points de la 3ème place. Ah oui, ça va vite, hein. C'est très serré, vraiment. Thauvin et Balotelli qui marque, hein. Et Balotelli, dis donc, tous les matchs. Dis donc, il plante. Hein. La recrue. Et je sais pas ce qu'ils lui ont promis, mais. Ouais. Ça va bien se passer. Angers a battu Nice 3-0. Ça. Angers, il n'y a pas grand chose à jouer de toute façon. Hein. Au milieu de tableau. Monaco qui s'en sort. Et oui. Enfin, qui va peut-être s'en sortir. Ils vont se maintenir. Oui. 1-0, vu de Martins. Bah là, ils sont plus relégables. Hein. Non, ça y est. C'est 18, c'est 19. 19-20. Et ils sont 17. 18, non? Ils sont 17, ils sont plus barragistes non plus. Ah ouais, donc. Ils ont battu Nantes, oui. ensuite, dimanche, alors deux super matchs. Lille-Montpellier, Cambre-Strasbourg, 0-0. 0-0. Bah déjà, enfin, Lille c'est fort hein, par contre. Ouais. Là ils ont été tenus un peu en échec face à Montpellier, mais c'était Montpellier quand même. Puis quand Strasbourg c'était pas le match de l'année, hein, 0-0. Non, bah déjà quand tu vois les deux noms d'équipe, bon, je suis désolé, hein, mais. Strasbourg c'est pas mal. Ça vaut un peu le Nîmes-Dijon du haut. Hein. Ouais, ou le Angers-Nice. Ouais, c'est. Ouais. Ensuite on avait Bordeaux-Toulouse, victoire de Bordeaux 2-1. Reims qui bat Rennes 2-0. Pourtant Rennes tournait pas mal, on le disait. Et puis hier, pareil, qui a eu beaucoup de mal à battre Saint-Etienne quand même. But de Kylian Mbappé. Et ouais. À la 73e, encore une fois. Ouais. Ils ont beaucoup averti quand même en fin de match. Mbappé, Kurzawa, Reola, ils ont pris 3 joueurs. Ouais, bon, Kurzawa il joue jamais donc c'est pas grave. Ils s'en foutent. Ouais. Reola, gardien, c'est pas très grave. Mbappé, c'est un peu chiant. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont énervés. Par contre, Monaco, on en parle ou pas de toutes ces histoires? J'enlève le coach, je le reprends, je le jette. Je mets Thierry Henry parce que je crois qu'il est bon, mais en fait, il est nul. Je reprends Jardim. Je vire mon vice-président. 31 millions d'euros là, parce que, qu'ils sont passés là-dedans. Oui. Bah oui, parce qu'ils ont donné 8 à Jardim pour qu'il parte. Ils ont recruté. Ils ont recruté Thierry Henry, à qui ils ont donné 12 ou 15 pour qu'il reparte. Et là, ils, et ils ont redonné 8 à Jardim pour qu'il revienne. Au final. Et là, ils sont séparés de leur vice-président. Et leur préparateur physique, c'est. C'est un athlète, Bob, oui. C'est Bob Tari, je crois. Tari, ouais. Non, préparateur mental, peut-être. Mental, ouais. Ah, ils ont signé tous les contrats. Physique aussi, je crois. Ouais, il fait peut-être, les deux. Peut-être les deux. Il fait peut-être un peu des deux, ouais. Ouais, bon. Et donc là, le vice-président, c'est fini, Vassiliev. Ah, il arrête. Ah, il a été remercié plutôt. Ouais. Et donc il est parti au goulag. Je sais pas où il est parti, mais il est parti en tout cas. Et donc là, il y avait. J'avais blague, hein, c'était une blague. Hein. Oui, bah, j'avais bien compris. Parce que Thomas, il me regarde. Et donc là, il y avait le nouveau qui était sur place. Non, mais bon, les Russes, c'est quand même particulier. Hein. Ah oui, c'est de le dire. Le classement Paris, 62 points. Avec deux matchs de retard. Et Marseille est quatrième. À 40 points, ouais. Lyon 3ème, 46. Lille 50 points. Ah, Montpellier qui a un point de retard. Un match de retard aussi. Ouais, contre Paris. C'est ouais. Bon, Marseille. C'est contre Paris par contre. Marseille, ils sont sur le smartphone. Il y a que Paris qui a des matchs de retard, ouais. 65. Saint-Étienne 25, Montpellier 38, pardon, pourquoi je dis 25. 40, 38. Reims 38, Nice 37. Plus bas, on a Bordeaux 13ème, 31. Monaco est sorti de la zone rouge. 16e, ils sont même 16ème, tu vois, j'avais 17ème. Ils sont 16ème avec 22. Amiens 17ème 21, Dijon 18ème 20 points, Caen 19ème 29 points et Guingamp dernier avec 14 points. Ouais, il reste quelques matchs encore quand même. Ouais, il reste quelques matchs. Ouais, il reste pas mal de matchs. On va pronostiquer ensemble la 26ème journée. Ah. Et on va s'arrêter là-dessus. Il est presque minuit. Une petite pause, le temps de préparer la grille. Et on va attaquer. Jérôme ne sera pas avec nous hein. Ce soir. Il va dormir. Il doit dormir à ce temps. Il répond plus, déjà. Ah, il est vieux, ça y est. Eh oui, c'est ça, il a presque 40 ans. Hein, si oui. Tu veux. C'est à qui de choisir? C'est à toi. À moi? Ouais. C'est vrai? C'était vous qui faisiez la. Qui devait faire la. Deviez faire la sélection ce soir. On a fait chacun notre partie. Je t'en mets une si tu veux. Allez. Kavinsky, Night Call. Ah, très bon. J'ai pensé que t'allais donner Road Game, mais très bonne. Je croyais qu'il allait donner PNL. C'est un petit peu trop épique, Road Game. Tu voulais pas donner Road PNL Game, c'est ça, sera notre remise des récompenses à la Beaudoin. De quoi, Nightcall? Road Game. Ah ouais, Road Game, elle est très connue. Ouais. C'est la musique d'entrée de du Palais des Sports pour le tennis aussi. Alors, non. C'était. Non, c'est alors si c'est toujours. Alors Nightcall, Road Game, c'est leur musique d'entrée. Ah ouais. Si, bah, tu te rappelles pas quand il y a les lumières et. Ça te parle pas cette entrée-là, là. Si je mets le bon bouton. Ouais. Le joueur qui rentre. C'est l'entrée de beaucoup de choses. Hein, ouais, ouais. Mais avant, ils avaient. Avant le Palais des Sports, c'était. Je sais plus comment ça s'appelle. Call on Me, c'était qui faisait ça? Call on Me, Eric Price. Et c'était celle de Eric Price, piano. Piano, je sais pas ouais. C'était la première du Palais des Sports, de l'Open de. Vous rappelez pas de ça? Tintin. Ah, exact. Ah oui. C'était avant. Vrai. Bon, là, on va écouter Night Call, rien à voir. Enfin, rien à voir, si. Mais en tout cas, on n'est pas sur. Sur le Palais des Sports. Alors. Allez, c'est parti pour ce son. Il est long celui-là. Ça, c'est Drive. Ouais. Ouais. La bande originale de Drive, du film. Allez, c'est parti. On prépare la grille, pronostic, et on se dit au revoir. C'est parti pour Drive. Enfin, pour Night Call. No fear. Pour le dernier, enfin l'avant-dernier son, parce qu'il y aura la clôture de la soirée. C'est très bon ça, hein ? Très très toujours bon. Très bon. C'est pas mal. Eh bien messieurs, nous y sommes pour les pronostics. L'autofoot de la 26e journée. Et qui avait gagné la dernière fois qu'on était venu ? Oula, c'est une bonne question. Et je peux retrouver ? Je sais ça. On va pouvoir retrouver ça. Est-ce que c'était quand on, qu'on a... Eh ben, c'était après la Bouzeraine, donc ça va être avril 2018, je dirais. Vous étiez venu avant aussi ? Non, j'étais venu une fois avant, ouais. Mais avril 2018, je crois que peut-être que je ne vous avais pas envoyé les résultats, je crois que si. Ah, si, je vous avais envoyé par Messenger, non ? Ouais. C'est possible, ouais. Mais on peut retrouver. Je crois que Thomas avait gagné d'ailleurs. Non. Je crois pas. C'est vrai ? Mais je crois pas. Je crois que c'est Maxence. On va retrouver. On va retrouver ça tout de suite. Il y en a pour 2 secondes. Ah, ça me parle, il y a un gros tableau. Attention, c'était, c'était le début avril. C'était Anaël. Ah oui, il y avait Anaël qui était venu, exact. Thomas, 6 points quand même, t'avais pas mal marché. Hein. T'avais trouvé le bon score, je crois, sur le match du dimanche. Emeric, 4 points. Maxence, 3 points. Ouais, Maxence, il est nul. Et on le savait déjà. Et la, et la fois d'avant pour juste avant la boueuse, ouais. Ah, vous n'étiez pas venu cette année. Si, on était venu avant. Et bah, on n'avait rien fait. Peut-être pas. Ah, ça devait être un. Vous êtes sûr que vous êtes venu? Peut-être pas. Je sais plus. Non, vous n'êtes pas venu la fois d'avant. Quelle erreur. Vous aviez boudé. Bah, je crois qu'on avait, ça n'a pas pu se faire. Mais par c'est contre. Possible, ouais. Un jour, je ferai un bilan de toutes les. On a fait un paquet quand même. Depuis le début. Hein. Quelques-unes. Comment ça faire, hein. Eh ben, on va en faire une nouvelle. Allez. C'est la 26e journée. Ça démarre vendredi. Alors, il y a 2 matchs maintenant vendredi. Ne me demandez pas pourquoi. Je crois que c'est. Là, c'est 2 bons matchs. Pour TV. Alors, on est sur du lourd. On est sur du Dijon-Saint-Etienne. D'abord, Dijon est quand même 18e. Saint-Etienne, 5e, c'est le grand écart. Et moi, je vais mettre sans problème Saint-Etienne. Pareil pour moi. Pareil. 20h45, toujours vendredi, Strasbourg-Lille. Strasbourg 9e, Lille 2e, et je vais encore mettre une victoire extérieure de Lille. Je mettrai ça moi aussi. Qui reste sur un match nul, qui doit gagner. Idem. On est tous d'accord. Je mettrai un match nul moi. Ouais, pourquoi pas. Y a, sur le vendredi soir, il y a toujours un nul, très souvent. Ah, tu vois. Il sera peut-être sur l'autre, mais t'auras tenté au moins. Samedi 17h, c'est Paris. Comme souvent le samedi après-midi face à Nîmes. Bah, pff, je pense que je vais mettre Nîmes moi. T'hésites non? Ouais. Paris? Non, ouais, Paris. Non. Paris. Ouais. Bah oui. Hein. Ils jouent pas. En plus, ils jouent pas cette semaine avec des champions. Donc. À 20h, on a 2 matchs. On a Amiens-Nice d'abord. Ça, je vais regarder, je pense. À plateau télé. Hein. Amiens 17ème. Avec ma copine. Nice 8ème. Les chips J'ai la bière et hop. Je vais mettre match nul, moi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Bon match de merde, je pense. Je pense que ça va être nul dans tous les. Ah ouais. Ça va être bien nul dans tous les sens. L'autre match de 20h, c'est aussi un très gros match, c'est Guingamp-Angers. Le dernier 20e contre le 12e. Et ben moi, je mets Guingamp. Pareil. Putain, les gars, pourquoi? Bah. Je les sens gagner. Ils vont à un moment donné, peut-être qu'ils gagnent. J'adore Jocelyn Kovanec. J'sais allez, pas, je, eh ben je vais vous suivre les gars. Si j'ai pas mis une victoire à domicile et il faut que j'en mette, donc là je vais la mettre. Si j'en ai mis une, t'as mis le PSG. Ouais, mais ça compte pas ça. Ah, d'accord. Pareil, il compte jamais. Ah ouais, non, mais non, vous allez, je vais vous suivre les gars. Vous savez quoi? Si je gagne un point là-dessus contre Jérôme, ce sera grâce à vous. Bon, par contre, si c'est Angers qui gagne, c'est con. C'est con. C'est con quand même. À Nantes-Bordeaux, ils vont nous faire un petit Emiliano Sala. Ouais. Ouais, bah ouais. Bah oui, je pense bien. Nantes 14e, Bordeaux 13e. Ouf. Il y a 4 points qui les séparent. Ça sent le bon match nul, ça. Tu mets sur un nul alors? Tu mets l'autre fois, on m'avait dit qu'il en fallait à peu près 4, c'est ça? Pour des nuls. C'est la théorie, c'est pas 3 ou 4, c'est ça? Ah ouais, je crois que c'est. Alors ça, c'est une théorie, mais ça doit être 5 victoires à domicile, 3 nuls. Et deux victoires extérieures. Ah, tu vois, ce serait pas mal avec ce 5, bon 3, match de merde. 5-3-2, on est à peu près là-dessus, ouais. Mais bon, c'est pas une science exacte. Hein. Mais bon, on est. Ouais. Oh, Bordeaux à l'extérieur, je les vois tellement nuls. Tu peux remettre les séries là. Les classements, ouais, ouais. Bien sûr. Je peux... Attends, maintenant on analyse les séries quand même. Ah, ouais, on ouais. Le temps de... attends, ouais, on analyse, ouais. On est... eh, je fais ça souvent pour les paris, mais ça marche jamais, moi. Ouais, ah, ouais. Nantes, ils sont au fond du gouffre. Ouais, mais justement, est-ce qu'ils vont pas se relever? Ouais. C'est le moment contre Bordeaux, hein. Moi je verrais bien match. Ah moi je mets Bordeaux quand même. Allez. Moi je mets un nul. C'est vrai? Oh ouais, c'est un bon match de merde. Désolé non. De le dire comme ça mais. Bordeaux ils reçoivent? Non ils se déplacent. Ouais. Ah sont... mais je mets Bordeaux quand même. Ils sont comment à l'extérieur Bordeaux? J'aime bien regarder des fois ça mais je sais pas si c'est. Ah ils sont bien ah, pourris. Et Nantes, à domicile. Et alors, je suis sûr que Nantes à domicile c'est bien pourri aussi. Ah voilà, c'est bien ah, pourri. Bon, en fait ça sert à rien de regarder, c'est pareil. Autant rester sur le général. Voilà, autant donc, ouais, est, tout, mais donc moi on sait pas. Quand même. Donc je sais pas quand même, moi. Du coup, moi je mets nul. Même à Bordeaux. Allez, nul aussi, moi. Ce serait mon deuxième. Il me que t'as plus le droit. Hein. Enfin, bah, tu veux mettre 10 nuls, tu peux, mais si tu veux suivre ton raisonnement, tu peux plus en mettre. Non, mais bon, je vais trouver des victoires, t'inquiète. Ah, Toulouse-Caen, très bon aussi, ça. Toulouse, 15ème. Caen, 19ème. Toulouse pour moi. Allez, Toulouse. Il ah, y a trop de matchs à regarder, je sais pas comment je vais faire. Oui, je t'ai mis Toulouse, mais. Ouais, oh, Toulouse, très bien. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Montpellier là aussi pour moi. Montpellier-Reims. Reims qui est. Ah, qui est 7ème comme ouais. Je savais pas que c'était. Montpellier 6ème, ils ont le même nombre de points. Hein. Ouais, mais Montpellier. Montpellier quand même. À domicile moi aussi. À Payade. Ouais, je suis d'accord. Thomas? Ouais. Allez. Pas convaincu? Non. Tu peux mettre un nul, hein? Non, je me suis. 17h, c'est Rennes-Marseille. Rennes-Marseille. 11ème Rennes contre 4ème. Est-ce que Marseille va en finir 4ème? Ouais, ouais, Rennes. Ouais, Marseille. C'est vrai. Bah, moi je vais mettre mon 3ème nul. Il est là. Crac! Il a ouais, j'aurais pu dire ça aussi, franchement. Regarde, tu vois, 1, 2, 3, 4. Mon 5ème victoire à domicile, il est là. Ah, tu vas mettre Monaco gagnant en vue de Lyon? Ah, bah, c'est mon club, donc je suis obligé. Là. Alors que moi je vais mettre Lyon à l'extérieur. Ah, oui. Monaco-Lyon à 21h. Monaco 16ème qui revient bien. Lyon 3ème, mais attention, Lyon aura joué demain. Ouais. Ça ouais. Peut jouer. Ouais, mais même. Lyon, ouais, aussi. Merde, ça n'a pas marché mon mari. Merde. Donc, on est sur du Lyon, combien le score? Ah, il faut annoncer ah, le score. Ouais. Ah, ouais, les gars, sur le score, les gars, à 21h. 2-0. 3-1. Ça va être dur, hein. 3-1, c'est chaud là. Ah, 3 mars, c'est ta vie. 1er mars, pourquoi il veut pas 3. Ah. Tu te débrouilles bien en Excel. Ah, ça va, les croisées dynamiques, tout ça, ça va, ça maîtrise. Putain. Et ben moi, je vais vous surprendre. Et je vais mettre Monaco. 2-1. 2-1 ? T'as fait annoncer des marqueurs aussi. On pourrait, presque. Falcao, il n'y a que lui qui marque. Ouais. Non mais c'est suivi ma logique du 5-3-2. Ouais mais j'ai fait pareil hein, sur ouais, la dernière. Moi j'ai, ouais. J'ai fait quoi? Ah ouh là là. C'est vrai toi aussi t'as, ouais tu l'as fait aussi. Sans faire exprès moi. C'est vrai en plus tu l'as fait. Bon Thomas t'es loin ouais, du compte. Ouais, ouais, toi ouais. T'es à l'envers. Ouais. T'es à 5 domiciles, 5 extérieurs. Ouais mais ça veut pas dire que tu vas pas gagner ah, quand même. Non ça veut rien dire ça. Ça se suit pas toujours. Puis moi Monaco c'est. Voilà, je suis obligé de. C'est mon club donc je suis obligé de. Voilà. c'est le cœur. T'es actionnaire. Ouais, c'est ça, j'ai quelques billes. Eh ben les gars, on verra si vous êtes bons ou pas. La semaine prochaine, je vous donnerai les résultats. Allez. Le temps de faire un petit point sur la semaine, l'agenda. Qu'est-ce qu'on va suivre cette semaine? Demain. Eh ben, on n'a pas parlé avec des champions quand même, les gars. Le plus gros truc, on n'en a pas parlé. Je te l'ai dit, hein. En fait, on voulait en parler avant la Ligue 1 et on s'est lancé dans la Ligue 1 à corps perdu. Parce que c'est vachement plus important la Ligue 1. Oui. La semaine dernière, on a suivi quand même un beau pari. Enfin, en tout cas, moi, je me suis régalé devant United Paris, je sais pas vous. J'ai été surpris, moi. Moi aussi. Ouais, agréablement. La première mi-temps, c'était bien pourri, hein. Ouais. Kimpembe, Mbappé. Kimpembe, il était bien nul. Mais il a été quand même bon sur le but. Et Verratti, il était bien pourri sur le début du match aussi. Il a encore pris un jaune? Ouais, non, mais. Ah non, il a pas pris de jaune cette fois. Il a été nul au début du match. Ouais. Alors, beaucoup de joueurs avertis à United là. Ah, c'était. Carton, franchement, la première mi-temps, c'était pourri. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais faire si attention pourri. Quand même au retour. C'était pas si pourri. Alors, l'avantage. Je sais pas s'ils en ont un, mais c'est qu'il n'y aura pas Paul Pogba au retour. Ouais, si, je pense un avantage, mais attention quand même. C'est quand même pas mal ça. Oui, faut se méfier, mais 2-0 à l'extérieur, c'est quand même pas mal. Et Neymar revient, non, c'est pas ça qu'il disait? Oh, il revient pour les quarts, lui. Ah, d'accord. S'il passe. Si on passe, bien sûr. Et Cavani sera pas là non plus. Mmh. Après, sur ce match-là, il n'a pas eu besoin des deux. Hein. Non. Ouais, en fait, il joue mieux sans Neymar, je pense même. Avec Di Maria et Draxler, ça joue mieux. Après, il manque une pointe, quoi. Oui, c'est vrai. Des fois Mbappé il est un peu seul. Hein. Cavani, je pense qu'il est quand même pas mal à ce poste-là. Mais Neymar, je pense qu'il est pas utile quand il y a Mbappé. Ouais. Parce que Di Maria, Draxler. Di Maria, c'est bien ce qu'il fait. Il revient très très bien. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même pas mal hein, ce 2-0. Moi, hein. J'aime pas le On a presque pu avoir 3-0 à la fin. C'est dommage. Hein. Il y a quelques occasions, mais bon, on s'en contente bien. On partait pas quand même favori. Hein. Ouais, non. Enfin, Donc, une belle option avant le match retour. J'ai vu un super match Ajax-Real. Ça jouait super bien. Alors moi, j'ai regardé l'autre match ce mercredi, mais apparemment c'était quand même pas mal Ajax-Real. Ouais, c'était vraiment bien. Victoire du Real 2-1. Benzema, Asensio. Et l'Ajax qui est pas totalement mort puisqu'ils ont marqué un but. Ouais. Et ils ont bien joué. Hein. Ouais, c'était, on en a parlé. Moi j'ai vu plutôt Tottenham. Alors Tottenham-Dortmund, c'était bizarre comme match. Dans tout, t'as dominé une bonne partie du match. Ouais. Et ils ont pris l'eau en fin de match. Enfin, surtout, Et Tottenham, c'est fort, hein. Bah ouais, ils ont dominé la première mi-temps, ils ont pas marqué. Ils ont pris un but en début de seconde, puis ils ont craqué en fin de match. Mais ça fait lourd, du coup, 3-0. 3-0, c'est moche. Parce que 1-0, même 2-0, allez, mais là, t'en prends 3. Bon, même si le retour c'est en Allemagne, ça va être compliqué, je pense. Et puis, à Roma Porto, 2-1. Donc la Roma qui prend une option aussi avant le retour, mais ce sera au Portugal. Les matchs retour 5 et 6 mars. Cette semaine c'est Lyon-Barça bien sûr demain. Ouais, Liverpool-Bayern. Ça va être dur de choisir. Hein. Mais bon, ça va être long quand même. Mais Liverpool-Bayern, ça peut suivre en double fenêtre, je pense, double écran. Ouais. C'est pas mal. Hein. Tu sais, il y a quand même 3 clubs allemands là. Ouais. Schalke qui recevra City. Mercredi et ça a piqué, ça. Et puis je crois que le match qu'il faut regarder plutôt mercredi, ouais, c'est Atlético Juve, il me semble. Ouais, ça va être fort. Ah, ouais. Je pense qu'on est quand même plus là-dessus. Ça c'est donc demain. Mais Lyon Barça, peut-être pas le regarder. Pourquoi? Merde, on regarde pas avec les Français. Non, mais c'est vrai. Faut y croire. Moi j'y crois un petit peu. Ils sont quand même présents sur les gros matchs, donc après. Je préfère quand même Lyon Barça. Moi j'aime pas le Barça, donc. En plus, moi je préfère être toujours les clubs français, même si je suis pas pour Lyon, mais j'aime pas le Barça. Pour les soignés, ça m'arrange. Bah, ce sera demain. Et un petit mot quand même de Rennes, qui est notre représentant en Ligue Europa. Ils ont presque gagné, Rennes, c'est dommage. Ils ont fait un match nul. 3-0. 3-1 ou 3-0 ? 2-0 et 3-1. Ouais. Et ils ont été rejoints par Séville, le Betis. 3-3. Et le retour sera en Espagne. Et donc, prendre 3 buts à domicile, ça fait beaucoup. Hein. C'est-à-dire que là, 1-1, ça passe pas. 2-2, ça passe pas. Hein. Ouais. Ni 0-0 d'ailleurs. Mais faut gagner, quoi. Ou faut faire 4-4. Mais bon. Ouais, ça peut se faire sur un match comme ça. Quelques matchs, quelques gros clubs. Chelsea a gagné 2-1 à Malmö. Naples a gagné 3-1 à Zurich. Valence a gagné. Villarreal a gagné extérieur. Ils parlaient pas de ne plus réintégrer les gens de la Ligue des Champions. Ah oui, si. Qui finissent 3e, ouais. Ouais, parce que en fait, ça fausse vachement quand même. Il va y avoir une 3e Coupe d'Europe qui va arriver. Qui sera une 3e Coupe d'Europe. Qui va arriver pas la saison prochaine, mais la saison d'après. Eh ben, très bien. Bah voilà. Donc cette semaine, donc Donali demain Lyon Barça. Et puis il y a Liverpool contre Bayern, c'est pour ceux qui veulent regarder ça. Et puis surtout, il y a Atlético Juve, je pense qu'il faut regarder mercredi. Jeudi, c'est le retour de Rennes. Allez, allez, Rennes, j'espère que ça va passer pour eux. Ça, c'est pour le foot. Puis la Ligue 1, bien sûr, ce week-end, faut pas oublier. Hein. Et il y a sur un Monaco-Lyon quand même, dimanche. Ouais, Monaco-Lyon. Ah, c'est pas mal. C'est... Enfin, Monaco en ce moment. Ouais, mais bon, ça va mieux, on dirait. Quand tu signes en début de saison pour Monaco-Lyon, tu te dis, ouais, ça va être un match de ouf. Ah, si t'as pris tes places à l'avance, ouais. T'arrives en fin de saison. Ouais. La Ligue 2, donc l'USO recevra Sochaux vendredi soir 20h au stade de la Source. The Rugby, c'est le très beau France-Écosse. On espère enfin une victoire française. Tu y seras, toi, là? J'y serai, moi, je suis en train de masser. Bon courage. Samedi, enfin, en plus, il va faire beau samedi après-midi. Tu vas être bien. Non, mais j'aime bien le rugby à voir. Sympa. Hein. Samedi à 15h, c'est sûr. Je suis bien placé, je suis tout en haut dans l'angle. Ouais, tu vas très bien voir. Hein. Enfin, j'étais tout en haut aussi, un match de l'équipe de France. Bah, faut voir des jumelles. Hein. Vraiment qu'il y a des écrans géants. Et ce sera Stade de France, c'est sur France 2, sur ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas au stade, bien sûr. Et puis il y aura 2-14, bien sûr, aussi en même temps. Ça, c'est normal. Tout va bien en rugby ici. Ouais, ça, c'est la base. C'est la base. Du tennis cette semaine, c'est Marseille. Marseille, ouais. Et oui. Il n'y a pas du curling ou... Ah, certainement, si. On a du handball, on a Saran qui joue ou pas. Mais non, qui joue pas, parce que c'est la coupe, non? Il joue pas en Coupe de France? Ah non, on a raté. Non, il joue. On l'a pas retenu. Mais si, il joue, on a parlé. Ils vont jouer à l'extérieur. Ah oui, le club SVM là, ce machin. Vernon, c'est ça. Vernon, je sais pas quoi là. Ils vont jouer, on l'a dit, ce qui est avant-dernier, c'est ça? Ouais. Et ce sera samedi soir, il faut gagner. Voilà, Saint-Marcel-Vernon, toi, j'étais pas loin. Voilà, qui a gagné 3 matchs. Ce sera samedi soir. Fleury, dans le même temps, jouera en Coupe de France. C'est quand, vous vous rappelez? Non, c'est pas quand. Quand même. C'est Nancy, et c'est la réception de Nice. Non, Nancy. De Nice, ouais. Nancy, c'est Saran en Coupe de France. Ouais, exact. Mais voilà. C'est Nice, samedi soir, 20h, à Montargis. C'est presque pareil, Nice et Nancy. Oui, c'est pas très loin, ça se touche. À vol d'oiseau, t'es à côté. Et ça, c'est à Montargis, le match. Ah oui, c'est vrai. Rien à voir, mais. On va y aller. Bah, j'espère bien, vous y serez. Et puis sinon, il y a la Ligue des Champions toujours, puis il y a le rugby, quand même. Oui, il y a le rugby, n'oublions pas. Du basket, c'est toujours la petite trêve avant de la reprise. Donc il y a que le NBA qui joue, mais ça c'est toutes les nuits. Tous les 3 jours. Ouais, bah, ouais, même des fois. D'accord. Ouais, des fois ils enchaînent 2 fois de suite. Ski alpin, ça continue. Ouais. Et la F1, ça reprend quand? La F1, c'est au mois de mars. Ah. Mais sinon, il y avait du rallye ce week-end. On n'en a pas parlé, mais ouais. Sébastien Ogier. Il pack à l'athlétisme le 2 et 3 mars. Bien sûr, les championnats d'Europe en salle à Glasgow, ça je n'ai pas oublié. Oui, un petit mot de Sébastien Ogier qui n'a pas été bon ce week-end, malheureusement, en rallye. Et il y avait Sébastien Loeb aussi qui était là. Là, il fait quelques piges, c'est ça? Ouais, là c'était en Suède. C'est Ott Tänak, le Letton, qui a gagné. Et malheureusement, Ogier qui a fini le rallye, mais 29e. Oh. À presque une demi-heure de retard. Attends, il y a autant de mecs que ça qui font du rallye? Attends, il y a pas tout le monde là. Hein. Ah oui, il y a 29 mecs qui font du rallye. Plus que ça même. Ouais, moi je croyais qu'il y en avait genre 15, ah, tu vois. Ah non, il y a un paquet. L'Ob 7ème. Oh, sans déconner. Thierry Neuville 3ème. Et ouais, Ogier qui a fait une sortie. Je me suis toujours dit que c'était un sport de ouf, mais je me suis jamais dit, ils sont 35 à faire du rallye quoi. Bah pourtant. Et ouais, Ogier qui a fait une sortie de piste le vendredi. Il a perdu beaucoup de temps. Alors, en fait, en rallye, il faut savoir que quand tu sors de piste, si t'as du monde autour, tu peux te faire aider par des spectateurs. Bon, là, il n'y avait personne. Il est tombé nulle part, mais de la neige, il n'y avait personne. Donc, ils ont été à deux comme à pousser, ils ont perdu une demi-heure. Ah oh, merde. Mais si t'as du monde, tu peux te faire aider, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Le Ogier est 3ème au général à 9 points de Neuville 2ème et un peu plus de 18 points, c'est ça? 19, 17, 16 du leader. Stéphane Sarrazin fait du rallye, tu le connais, lui? Bah, il a gagné le. C'est pas lui qui a gagné le Paris-Dakar en moto? Quand ça? T'es sûr? Il a fait de la Formule 3000? Ah non, il a conduit de la Formule 1, enfin de la Formule 3000. Ouais. Ah oui. C'est pour ça que je le connaissais. Il a quand même fait en 99 les Gauloises Formule 1. Ouais, bah tu vois. J'y étais, alors je m'en rappelle. Et Prost Junior Team, tu vois. Ah ouais, tu vois. Non, c'est pour ça que je le connaissais. Ah, attends, il y en a un autre là, Bonato aussi, je connais là. Vas-y, t'as cliqué sur lui. Putain, mais je les avais jamais vus, c'est. Ah toi aussi, tu savais pas qu'il y avait autant de mecs. Non, mais français, non, je savais pas. Non, lui, il y a que ça. Ah, on connaît pas. Il y a Yann Bonato et je crois qu'il y a Yann Bonato. Tu connais lui? Non mais tu vois, on a quand même 5 Français cette année engagés. Est-ce que tu savais qu'il y avait autant de mecs qui faisaient du rallye? Oui, qui en faisait après, qui était classé. Voilà, en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de mecs qui faisaient le championnat du monde, quoi. Mmh. Je pensais que c'était un groupe restreint. Non, non, bah non. L'homme est quand même 6ème en faisant que 2-3 courses de temps en temps. Ouais, bon, mais c'est l'homme. C'est l'homme. Et puis biathlon, on ferme la page championnat du monde pour l'instant et on attend début mars, 7 au 17, sur l'équipe. On chaîne l'équipe. Quand même. Voilà pour l'agenda de la semaine, il y a quand même pas mal de choses à suivre encore. Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue Europa. Mais je le dis à tout le monde. Fatigué, ouais. Ouais, je suis fatigué. On est sûr de. On est pas tard. Ça va. On a fait pire, hein. On a fait d'une heure. En plus que ça même. C'est vrai. On a pas fait d'une heure et demie une fois. Non, c'est le veto. Une heure sûre. Hein. C'est le veto. En fait, au départ, on devait être à 19h30. Puisque c'est les vacances. Mais Manu était là exceptionnellement. Mais c'est bien d'être à ce là parce qu'il y a eu plus d'écoute à 9h30. C'est vrai. Parce que c'est l'horaire habituel, donc les gens ont plus l'habitude d'écouter à ce là. C'est vrai qu'à 19h30, on aurait peut-être eu moins de monde. Ah. C'était plutôt un bon point. En tout cas, plein de choses à suivre cette semaine encore. Un gros programme. Un mot à rajouter, messieurs? Venez à la bouse. Bah oui. Et je vais venir, ne t'inquiétez pas. Et merci à toi de nous recevoir. Ouais, encore. Comme chaque année. Bah jusqu'à ce que j'arrête. Ouais, puis comme tu vas venir à la bouse cette année. Oui, je vais venir. Tu pourras après témoigner. Exactement. Je pourrai en parler dès lundi qui suivra, je pourrai en parler même de si vous ne serez pas neutre. Là. Tout à fait neutre. Non, enfin, on va quand même te payer des bières, donc ce sera moins neutre. Ce sera pas trop neutre en fait. Eh ben écoutez, en tout cas, je ferai la promo encore jusqu'à la prochaine course. Il reste plus beaucoup de lundi là. 1, 2 et 3, puis la. Et après ça s'arrête. Clôture des inscriptions le dimanche 10. Et ben voilà. Mars. 2 semaines à l'avance. Et le 24, c'est la grande course. C'est ça. Alors, je sais pas encore où je vais m'inscrire, mais. C'est peut-être en duo. Faudrait quelqu'un, hein. Ouais, mais j'ai quelqu'un déjà. Eh ben. Qui serait. Ouais, je pense que je partirais sur du duo. Ça a pas l'air mal, le relais. Ouais, c'est bien le duo. Ça a l'air d'être sympa, ouais. Pour moi, c'est la plus fun. C'est vrai que t'es tout seul. Mais. Après, t'as à choisir qui est le premier, quoi. Mais 3,5 km, ça va vite. Ah oui. Ouais. C'est quoi la moyenne? Avec des obstacles. 12 minutes. Ah ouais, je rigole, c'est une blague. Non. Sans obstacle. Faire rapide, c'était quoi? C'était. Ah, ça allait vite, hein. Avec obstacle, ouais. 14. Ouais, je sais pas, mais ça allait vite. Ouais, je dirais que la moyenne, c'est 25 minutes. D'accord. Je dirais ça. Ça va assez vite, ouais. Ah, mais les obstacles, il faut les enchaîner, en fait. Puis t'as les passages dans l'eau, donc. Ouais, t'es ralenti, tu te fatigues quand même. Après, c'est sympa de finir, quoi, à deux. Ouais, par contre, c'est bien que ça finisse à deux. Je suis d'accord. Mais faut pouvoir enchaîner, quoi, quand t'es. Quand il te reste 3 semaines pour t'entraîner. Il te reste 5 semaines pour t'entraîner, facile. Bah ça va, ça va le faire. Franchement. Il y a déjà 2 mois. Je m'étais blessé, c'est pour ça que j'ai pas pu. Grimpe 2-3 fois aux arbres et. Ouais. Il sera en paix. Très bien. Bon. 12 km/h. Ah, de moyenne? Mais non, mais ça c'était sur l'assaut l'an dernier. Mais pour le plus rapide, tu parles là? Pour le plus rapide, ouais. En 12 km/h, ça fait 4 kg, 4 minutes, 2 kg. Ça, pas mal, hein. Ça fait un peu plus de 12. C'est ce que je fais, mais sans obstacle, moi. C'est pas mal, hein. Ouais, mais là, il faut. Enfin, mec, il s'est à 12 avec les obstacles, compris. Ah oui. Ouais, mais t'es fort. T'es fort. Bah, oui, je pense bien, oui. Est-ce qu'il y a des. Une question vite fait, là. Est-ce qu'il y a des gens. Enfin, des coureurs connus qui font d'habitude des courses classiques, on va dire. Des trails, peut-être, qui sont connus dans le Loir-et-Non? Non, bah, tant pis. Hein. Oh, y a Nicolas Bordier qui l'a fait en dernier, c'est tout, mais c'est pas quoi. À notre course. Où? Ou qui se préparent sur les courses à obstacles? Non. oui, en généralement, mais surtout sur votre course, il n'y a pas des qui viennent pour le fun faire un. Non. Non, après, il y a quand même des participants qui font les championnats d'Europe des courses à obstacles. Enfin, oui. Il y a des championnats d'Europe qui existent. Ouais. Et du monde, bien sûr. Bah, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais. Ah oui, on peut le dire. On est en partenariat avec OCR France, qui est la fédération française de course à obstacles. Et donc, voilà, on est licencié, enfin, affilié. Affilié, oui. D'accord. Notre course ne permet pas encore de gagner des points pour faire ces championnats européens, nationaux, internationaux. Parce que le format est trop petit, mais à terme, peut-être que ça viendra. Ça pourrait le faire, oui. Voilà. Donc on verra. On fera le tour de la ville. Ça se déroule où, ça Ça change d'année en année. Cette année, il y a le premier championnat de France qui aura lieu en avril, avec d'ailleurs chez notre partenaire Aro Arena, le premier parcours fixe d'obstacles. Ça, c'est pour le championnat de France. Donc, c'est ouvert à pas mal de gens, mais il me semble quand même qu'il faut se qualifier pour le championnat de France avec un système de points. D'accord. Et après, les championnats d'Europe ou les championnats du monde, ils ont lieu dans différents endroits. À la boîte. À la boîte. À terme, à la boîte. À Saran. Messieurs, voilà. Vous choisissez le dernier son. Ah, on choisit le dernier son. Important pour finir. Eh bien, Naman. Comment tu dis ? Naman, N-A-A-M-A-N. N-A-A-M-A-N. Voilà. Et. Et du coup, c'était la dernière, mais il n'y est pas. Ah. Et ben, Outer Road, c'est très bien. Et ben, on se quitte là-dessus. Les gars, merci. Merci à toi. On se retrouve déjà pour la course. Hein. Mmh. Oui, ben, on t'attend. Hein. Je vais m'inscrire très à la fin aussi. Et oui, à la fin, bien sûr, je viendrai vous faire un petit coucou. Et puis après, on se revoit. Pas le lundi qui suit, parce que ça va faire juste pour vous. Hein. Ça va mais le premier, peut-être ? Mars ? Non, avril. Avril, pardon. Et ben, ce serait pas un poisson d'avril, mais ce serait. Eh ben oui. Moi, je suis là. Oui. On peut peut-être le suivant, mais on se reconfirme. Si après, moi, je suis a priori. Je suis pas là pendant longtemps. Après. Ah, on va faire ça le premier. On se calme. Maxence, il sera peut-être avec nous. Bah, c'est son anniversaire. Ah ouais ? Ouais. Ah, il sera là alors ? Ah, obligé. Et puis. Qui dit anniversaire dit. Dit chanson, dit chanson, dit chanson et bougie, bien sûr. Bougie, et bocadeau. Bien sûr. Là, je penserai à vous parce que là, j'ai pas pensé à vous, mais j'ai ce qu'il faut. J'y penserai. En plus, j'ai hésité. Hein. Je me suis dit, ça va peut-être suffire. Ouais, on aime pas trop les gâteaux en plus. Non, mais c'est ça. J'ai dit, le prochain coup, j'y penserai alors. Je saurais m'en rappeler. Il y a ce qu'il faut en réserve. En gâteau, bien sûr. On s'entend bien. Pas de. Attention, pas ça chez nous. Allez, on se quitte avec ça. Rendez-vous pour la nouvelle émission la semaine prochaine, 21h30 toujours. Et d'ici là, bonne semaine, bonne nuit les gens. Hein, bonne nuit, reposez-vous bien jusqu'à la fin de la semaine, après ça reprend. Yes. Ouais. Ouais. Et puis bonne préparation les gars. Merci. Et à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. À bientôt. Oui. Allez, bonne semaine à vous et vive le sport, sur le soutien, bye bye. For you know that we got the top option. How to road? Man went for the man cause me a gone out to road. Me less a day man a gone out to road. Me nah inna that, me nah inna them. Set out to road, out to road, out to road, out to road. Babylon a dead when me a gone out to road. Me less a day man a gone out to road. Me nah inna that, me nah inna them. Flan me nah inna them. Chat Mr. Babylon. Everything fine. Last time on a big show we go do. We one of my time me and the living kind driver. Watch you let me build a fire up on the real rider from far in the mountain. Deep shot. Down after town we are do a deep rock. Good boy get mad and I get hot. I love the fact we get another pull up. We are do a world up. Show your road block. Cause not a thing we need. Yes. Good job. We can't piss a weed. I get from my knees up and up the cool breeze. Put a front side running up the next train. Nice life be the nice chat. Yes, I know that you know that. Still a car on this track. If you want a nice time, out a road. Now we're the man cause me a gone out a road. We less of them and a gone out a road. Me nah inna that, me nah inna them. Flat out a road, out a road, out a road, out a road. Babylon a dead when me a gone out a road. Me less of them and a gone out a road. Me nah inna that, me nah inna them. Flat me nah inna them. Chat Mr. Babylon. We keep on moving. Cause we've been skanking. We keep on grooving. And we keep fighting. Jornalista Cristina Borges.